venons d'RTL, justement. Oh, c'est le bonheur. Et des campings de France. C'est vrai? Oh oui, on ne pouvait pas partir. Et là, ça va être le bonheur avec mes petits. Ah bah écoutez, je suis ravie. Vous savez ce que vous avez fait? Vous allez nous envoyer une petite carte ou nous donner de vos nouvelles? Il n'y a pas de souci. D'accord, quel âge ils ont vos petits, Colette? De 12 à 8. Eh bien, vous pouvez les appeler dès maintenant en leur disant, les enfants, ça y est, on part en vacances. Parce que vous avez réussi à d'abord, vous avez été tiré au sort par ma main innocente quand même. Et puis, parce que vous avez réussi à répondre à notre grand jeu. Je suis très heureuse pour vous, ça me fait trop plaisir, Colette. C'est le bonheur. Merci. Je vous embrasse bien fort. Restez en ligne, on va prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort. Allez, nous, on se retrouve demain. À votre demande, donc, je vous le disais, nous allons vous proposer une émission sur l'origine des noms de famille. Voilà, on se retrouve demain, 15h. Ah, ça fait plaisir de faire plaisir. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Tout de suite, Laurent Ruquier, les grosses têtes. RTL, il est 16h. C'est à vous, Céline Landreau, pour les infos. Céline. 55 000 manifestants selon Force Ouvrière. Les opposants à la loi travail sont dans la rue à Paris cet après-midi et promettent déjà de battre à nouveau le pavé le 5 juillet, déterminés à ne rien lâcher. Le cortège, très surveillé par 2500 policiers et gendarmes, est parti en début d'après-midi de Bastille dans le calme. Mais quelques incidents ont ensuite éclaté le long du parcours, Nicolas Burnand. Oui, l'ambiance s'est subitement tendue à la sortie du pont d'Austerlitz en tête de cortège. Une petite vingtaine de casseurs vêtus de noir, le visage masqué, ont commencé à arracher à la seule force de leurs mains les protections en bois qui recouvraient des abribus. Un groupe de CRS positionné à proximité a alors effectué plusieurs charges pour repousser les casseurs. Des tirs de gaz lacrymogène ont été effectués par les forces de l'ordre. Il y a eu au moins une interpellation. Puis, quelques minutes plus tard, de nouvelles charges ont eu lieu au moment où des casseurs ont voulu arrêter une nouvelle arrestation à la hauteur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Des colonnes de CRS qui effectuent depuis quelques minutes des déplacements sous la huée des manifestants pour tenter d'isoler les casseurs du reste du rassemblement, alors que plusieurs commerces ont baissé leurs rideaux le long du parcours. Nicolas Burnand qui suit cette manifestation parisienne pour RTL. Une vingtaine d'interpellations avaient eu lieu en début d'après-midi sur les points de filtrage avant le début de la manifestation. Il faut crever l'abcès après le Brexit. Ce vote montre le malaise des peuples, affirme Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Elle est députée débattre cet après-midi de l'avenir de l'Europe et le Premier ministre dénonce ceux qui réclament un référendum en France et joue, je cite, aux apprentis sorciers. Dans le même temps, à Bruxelles, premier sommet européen des 27 plus 1 après le vote britannique. Des Européens qui veulent un divorce rapide et préviennent Londres, le Royaume-Uni ne pourra pas garder les avantages de l'Union sans les obligations qui vont avec. Volkswagen sort le carnet de chèques. Le constructeur automobile allemand accepte de débourser plus de 14 milliards de dollars aux États-Unis pour régler le litige lié au scandale de ses moteurs diesel truqués. 480 000 véhicules sont concernés. Le temps, demain, encore bien nuageux avec un peu de pluie près de la Manche. Les nuages vont même gagner du terrain vers l'est et le sud en donnant quelques averses dans l'après-midi entre le nord-est et le sud-ouest. Des orages en fin de journée du sud du massif central à la Franche-Comté. Quant aux températures, comptées entre 12 et 21 degrés demain matin, de 17 à 32 l'après-midi de Lille à Montélimar, 23 degrés à Paris, 26 à Mulhouse et 28 à Toulouse. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Les courses à Saint-Cloud cet après-midi avec vous, Bernard Glass. Et avec un rappel bien entendu de l'arrivée du Quintet, c'était la troisième épreuve à Saint-Cloud. La bonne combinaison, l'As, le 3, le 9, le 13 et le 11. Le 4 était non partant et le numéro plus 1858. La cinquième course, il y avait là deux non partants, le 4 et le 6, c'était un pic 5. Victoire du 15, Bochnoy qui rapporte 51,90 et 11 euros devant le 13, Thalie Alglaé, 2,70 et le 5, Louze premier qui rapporte 1,90, quatrième place pour le 7, 5e, le 11, 15, 13, 5, 7, 11. Et puis la 6e a vu la victoire du 12, Rip Van Longy, 8, 20 et 2, 80. Devant le 13, Passport, 2, 80. 3e place pour le 5, Basseraine, qui rapporte 3, 90. 4e place pour le 4, 12, 13, 5. La 6e, la suite et la fin des arrivées dans un peu plus d'une heure. Merci Bernard. 16h04 sur RTL. C'est le moment de retrouver vos grosses têtes avec Laurent Ruquier. RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui travaillera tout l'été sur RTL parce qu'elle a décidé de ne pas vous faire de l'ombre sur la plage. Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qu'on a pu voir chez Truffaut, parce que Jardiland était fermé, Elise Moon. Bonjour. Une grosse tête très sportive, il fait régulièrement des séances d'hebdo, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Une grosse tête qui n'a jamais offert de dessous à sa femme parce qu'il ne fait pas dans la dentelle, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête dont tous les cafetiers savent qu'il a une sacrée paire de coudes, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Et enfin, une grosse tête tellement mythomane qu'elle peut dès maintenant vous raconter ses vacances d'été, Christine Bravo. Bonjour. Comment c'était? Comment c'était vos vacances? Ah, c'était top. Alors, j'étais à Reykjavik. Il faut quand même signaler, c'est vrai que Christine Bravo était en vacances à Reykjavik. À Reykjavik, l'hiver dernier. C'est vous qui les avez entraînés, les Islandais, à jouer comme ils jouent au foot? Écoutez, en tout cas, je me marre bien ce matin en lisant la presse, en disant, vont-ils résister à la pression? Alors, j'ai cherché une pharmacie en Islande, j'en ai pas trouvé. Les mecs, ils sont jamais malades. Ah oui? Ils ont pas un rhume, rien. La pression, ils savent pas ce que c'est. Ah oh bah moi si. Donc non mais alors franchement, s'il y a des mecs qui peuvent pas être sous pression. Il paraît qu'il y a jamais un crime. C'est les Islandais. Jamais un crime mais non plus. Rien. C'est le rien. Pays où il y a le moins, enfin ça n'existe bah, oui. L'homicide non. N'existe pas. Il y en a pas. Il y a pas de chômage, il y a pas de crime. Il y a pas de chômage. Il y a pas de travail mais il y a pas de chômage. Ah d'accord. Non. Il y a vachement de boulot. Il y a une petite crise économique là quand même depuis 2007. Oui, mais il y a vachement de travail, ils sont en pleine expansion, ils construisent comme des malades, ils cherchent de la main d'œuvre c'est les cendres. Et t'as pas pensé à mérite de nous battre alors. Non mais je veux dire c'est pas des mecs. Il y a un seul défaut à ce pays, Christine Bravo, il va en vacances. Ouais, mais j'adore ça, mais c'est la terre de feu, de glace. Ces mecs là ils sont, il faut voir que moi j'étais emmitouflée, il faisait quand même moins 30. Les mecs ils sont torse nu. L'exagération de Christine Bravo. Elle a dû aller dans un vieux sauna personne suédois. Personne n'est jamais malade, personne ne meurt. Il y a que des centenaires en fait. C'est un pays incroyable. Les gens ne marchent pas sur Terre en fait. Ils volent tous. Les femmes sont belles, ils font l'amour partout. Oh non, c'est extraordinaire ce pays. C'est le paradis. Mais vous croyez qu'on va avoir des problèmes nous les Français dimanche prochain? Ah oui, on va avoir des problèmes. Défensivement. Pour jouer contre l'Islande. Ouais, mais non, on est les plus forts, c'est évident. Ça va être chaud ou pas? Mais non, là, parce que là, on est prévenu. C'est pas comme si ça. Bah oui, c'est pas comme si c'était une surprise. C'est pas genre, on va les prendre deux. Ah, donc quand la France perd, c'est qu'ils étaient pas prévenus qu'il y avait un match, là. Mais non, je veux dire, on est prévenu qu'il y a du danger, quoi. C'est pas comme si, tiens, on tombe contre l'Islande, c'est pas grave. Non, là, maintenant, on sait qu'ils sont capables de battre. Et puis, attention, les Anglais n'étaient pas bons du tout. Vous voulez dire que les Anglais n'étaient pas prévenus? C'est leur semaine. Ah, les Anglais, c'est leur semaine. Et Véronique, il a déjà le drapeau islandais. Ah ouais. Moi, j'étais à Londres. C'est quoi le drapeau islandais? En fait. C'est ta chemise. C'est une croix. Je croyais qu'il s'était vomi dessus. C'est bleu, blanc, rouge. J'étais à Londres pendant le Brexit, là. J'ai fait mon spectacle là-bas. Et bah, je peux vous dire que le lendemain matin, ils avaient les boules. Hein. Ah, c'est vrai. À Londres, ils ont pas. Ils voulaient rester en Europe. Donc, à Londres, dans la ville de Londres. Dans la ville de Londres. Ah oui, pas dans toute l'Angleterre. Non, j'ai pas été dans toute l'Angleterre, mais. Non, parce que ça me fait toujours rire, les gens qui, vous savez, ils sont pas contents comme s'ils avaient pas voté. Mais non, mais ceux de Londres avaient voté pour rester en Europe. Oui, il y a quand même ceux qui étaient. Attendez, ceux de Londres, ceux de l'Irlande du Nord et ceux d'Écosse. Ceux de Londres, il y a bien des gens à Londres qui ont dû voter. Mais ça, c'est les médias. Mais c'est pas les médias. Mais si. C'est pas les médias. En fait, c'est l'Angleterre et le Pays de Galles qui ont voté le Brexit. Moi, je peux vous dire. Tout le reste de la Grande-Bretagne a voté contre. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va éclater la Grande-Bretagne. Vous allez voir, s'ils sortent du Brexit, s'ils sortent de l'Europe, vous verrez, il y a l'Irlande du Nord, l'Écosse, tout ça, tous ces pays vont prendre. Il a raison, moi, quand je suis sorti de Caroline, ça a éclaté. Oh, on n'avait pas fait de référendum, connard. T'avais voté non, toi. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Après, je crois, cet exposé géographique, footballistique et sexuel. Très intéressant, vous êtes d'accord? On essaye d'élever le débat. Oui, je comprends, monsieur Semoun. Voici une question pour Florence Deniaud, qui habite Léognan, en Gironde, qui a dit « Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, et un jour, vous finirez par avoir raison. » Ah, c'est bon. Allez. Alphonse Allais, non. Renard, non. C'est ce genre-là, c'est 19e. Non, c'est pas un écrivain. C'est plus récent. Légaré ? Légaré, non. Mais il est mort ? Ah, il est mort, hélas. Français. Français. Doris. Pierre Doris, non. C'est un humoriste ou... Humoriste, oui. Oui, c'est Doris. Je pense que c'est Raymond DeVos. Des proches ? Non. Non, Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Jean-Yann, ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Alvin Méry, qui habite Alzenberg, c'est en Belgique, qui a dit « Les petites annonces sont les seules vérités qu'on peut trouver dans un journal. » Gerdac ? Non. Elise et Moon. Les petites annonces sont les seules vérités qu'on peut trouver dans un journal. Thomas Jefferson a dit un truc dans ce genre-là. Eh bien, c'est Thomas Jefferson. Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Quand on sait, faut pas en douter, monsieur Gisbert, faut dire la réponse, vous savez. Ah bravo. Oui, mais j'ai toujours des doutes. Ah, mais non. J'ai peur d'avoir l'air con. Thomas. Non, non. Il y a aucun doute. Bon, ouais, et ouais, c'est pas lié au fait d'avoir des bonnes ou des mauvaises réponses. Autrement, je vous aurais jamais invité aux grosses têtes. Je vais faire un jeu de mots qui ne fera rire personne. Thomas Jefferson va ouvrir. Vous voyez, j'avais raison. C'est aussi ça une fin de saison, et Laurent. Bah écoutez, elle n'est pas en Islande. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Depuis toujours sur RTL, vous êtes nos experts du quotidien. Je ne pense pas qu'il faille attendre beaucoup de choses de ces mesures. 13h-14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Simplement, on est chef de l'État, on se doit de montrer un certain exemple. Une heure pour témoigner, réagir et proposer vos solutions. Bien sûr, ça va dans le bon sens. RTL Midi et les auditeurs ont la parole, l'info qui vous ressemble. Merci à vous et merci de m'avoir donné la parole. Chaque midi dès 12h30 avec Christelle Robière et Vincent Parisot sur RTL. À demain. 12h30 sur RTL. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Eurosys est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. RTL. Bel après-midi sur RTL avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Une question historique et culturelle pour Samia Mazoud qui habite Marseille. Je vais vous demander qui furent les 4 généraux, puisqu'on est toujours en pleine commémoration de la Première Guerre mondiale, évidemment. Qui furent les 4 généraux à la tête des armées françaises pendant la Première Guerre mondiale? Foch, Joffre. Alors Foch, Joffre. Foch et Joffre, c'est assez facile. Ouais, ouais. Après, ça en fait 2, il vous en manque 2. Magenta. Pétain. Boulevard. Pétain, ça en fait 3. Alors écoutez, ça tombe bien, c'est vraiment les 3 dont j'étais sûr que vous me donneriez le nom assez rapidement. C'est le 4e qui est le plus difficile à trouver. Gamelin, c'est Gamelin, c'est la 2e. Gamelin, non. Est-ce que c'est un boulevard? Un boulevard, écoutez, je sais pas si. Mais non, c'est un général, on te dit. Je sais pas s'il a un boulevard à Paris. Oui, si on le connaît moins, c'est quoi? Elle va te demander dans quel siècle? 18e, 17e, 16e. Est-ce que ça fait partie du Moyen Âge? C'est mérovingien. Est-ce qu'il était les Jeanne d'Arc à Orléans? Il n'y a pas Maginot dans le coup? Non. Mangin? Mangin, non. Et bravo, hein, vous avez trouvé 3 sur 4, mais évidemment, c'est le 4e dont je me doutais. Lyotet. Que vous auriez quelques difficultés pour retrouver son nom. Bernadotte. Bernadotte. Non, mais c'est Napoléon. Il est dans quel quartier? Foch, Joffre, Pétain. Voici 3 des 4 généraux à la tête des armées françaises pendant la Première Guerre mondiale. Il vous en manque un. Il n'y a pas un boulevard qui porte son nom? Pérère. Non, j'ai une idée. Je voudrais savoir si, comme Pétain, il a eu la chance de vivre de belles années sous l'occupation. Non, parce qu'il est mort en 24, voyez-vous. Ah, d'accord. Ah, bon. Est-ce qu'il a un métro, Laurent? Un métro, non. Un lycée? Un lycée, je ne crois pas. Un collège? C'est le moins connu des 4, qu'est-ce que les gens disent? Une cantine scolaire. Et pourtant, il a fait la bataille de Verdun, la bataille du chemin des dames. Merde. Sa rue, dans quel quartier? Ah ben, je sais même pas si... Ah, une rue, il doit avoir une petite rue quelque part. Une petite rue qui s'appellerait comment? Nivelle. J'ai failli le dire. Nivelle. Pardon. Nivelle. Ah oui, mais c'est dégueulasse. C'est comme au poker, vous voyez. Si vous étiez moins con aussi. Le général Nivelle. Le général Nivelle. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Bravo, Caroline. Ah non, mais vraiment. Mais vous savez, quand on joue au poker, parfois on parle et on raconte des conneries pour essayer de faire parler et avouer. Et c'est la première fois que je réussis en 13 ans. Bravo. Vous auriez retrouvé le général Nivelle? Non, honnêtement, non. Alors moi, vous savez ce que je propose, c'est qu'on donne quand même 300 euros à cette auditrice, Sania Mazout, qui habite Marseille, parce que franchement... Oui, la pauvre, déjà, elle est mazoutée, il faut l'aider. Non, mais franchement, sans ma bévue, je pense que vous n'auriez enfin, pas moi, retrouvé... Moi, je l'aurais pas retrouvé. Le général Nivelle, vous l'auriez retrouvé, Gisbert ? Non, mais je connaissais le nom, mais je savais pas... Moi, je Nivelle, mais par le bas. Le général Nivelle, qui a succédé à Pétain dans la charge de défendre... Verdun en 1916. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Ouais, c'est au ni oui ni non, vous devez être nul. Au ni oui ni non, Nivelle. C'est là où je suis nul. Non, mais franchement, n'essayez pas de me. Mon vélo. Évidemment, ça va bien marcher maintenant. Vous profitez de mes faiblesses, de la fin de saison. C'est, oui, oui. Ce sont les dernières émissions avant les grandes vacances. Et de votre maladie, surtout. Alors, mais alors, puisque c'est ça, alors là, vraiment, puisque c'est ça, je vais poser des questions encore plus difficiles. Oui, oui. Ah, bah, dites donc. Enfin, non, bah, ouais, donnez-donc la réponse avant. Une autre question historique. Donnez la réponse d'abord, on va trouver la question. C'est reparti dans les imitations minables. C'est pour Émile Varin qui habite Villiers sur le Neubourg. Ah bon? C'est dans l'Eure. Je vais vous demander le nom de ce poète, auteur dramatique, romancier, mais aussi militant politique, qui répondit à Jules Ferry à propos des colonies françaises, alors que la France avait à ce moment-là perdu l'Alsace et la Lorraine. Il eut cette phrase incroyable. « J'avais deux filles et vous m'offrez 20 domestiques. » Ah, ouais. J'avais deux filles, l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques. Maurice Barrès. Les colonies françaises. Maurice Barrès, non. Mais ces gens-là ? Mais c'était un nationaliste, bien Paul sûr. Paul Déroulède. Paul Déroulède. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Ben, avec son air con, il y arrive. Hein. C'est agréable. Le mec n'est pas venu pour faire figuration. Je serai de vous, je ferai attention parce que vous savez que votre fille travaille dans son journal. Oui, mais... Ah, le changement de temps. Elle, me, l'a... Gentil, tout elle d'un me l'a dit, mais elle m'a aussi dit qu'il lui avait jamais dit bonjour. C'est normal, elle est sous le bureau. Ah non, non, ça tu coupes. Hein. T'es d'accord, Caroline? Moi, je m'en fous, ma fille, elle saucisse. Hein. Du coup, je vais appeler la mienne, je suis inquiet. Hey, vous savez, il y a une blague, là, c'est, je l'ai dit à Laurent Baffi, c'est, vous savez comment on appelle les stagiaires qui sucent pas? Non. Ben, on les appelle pas. Mais la fille Christine n'est pas stagiaire, elle est vraiment journaliste. Mais non, elle est formidable, d'ailleurs. Elle, vous la connaissez ou pas? Oui, j'ai entendu parler d'elle beaucoup. Pourquoi vous lui dites pas bonjour? Ben, parce que je sais pas à quoi elle ressemble. Et à mon avis, c'est une belle fille. Non, c'est pas une belle fille. Ah, si, je crois que c'est une belle fille. C'est une très belle fille, c'est pour ça. Vous pouviez pas imaginer que c'était la fille de Christine. En tout cas, j'ai entendu parler d'elle souvent. Ah oui. Bien sûr. Bah, elle fait sa petite carrière. Hein. Vous voulez que je vous raconte un truc drôle? Parce que je dois déjeuner avec quelqu'un qui travaillait, je sais pas s'il travaillait encore au Point d'ailleurs, qui s'appelle Jérôme Béglé. Ah oui, bien sûr. Ah bah, c'est le patron de ma fille. J'ai un déjeuner de travail. C'est le patron du Point FR. Et hier, je dois déjeuner avec lui. Il me dit, nous déjeunons toujours ensemble. Je dis, oui, nous déjeunons toujours ensemble. Il me dit... Est-ce que ça te va si on déjeune avec Clara? Mais c'est qui ça? Et d'un seul coup, je réalise que c'est la fille de Christine. Et je dis, mais non, mais sa mère va m'en vouloir à mort. Non, je veux pas qu'elle soit là. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pour prendre des notes, bien peut-être. Sûr qu'elle peut être avec votre déjeuner. J'ai dit non. Ah bah non, j'ai dit non. J'ai pensé que ça vous ferait pas plaisir. Mais vous, ça va pas. Vous l'avez nourrie. Vous l'avez connue quand elle était toute petite. Au contraire, va, elle vous adore. Elle vous adore. Mais j'ai pas envie de les voir arriver main dans la main et tout. Oh. Non, mais cela dit, elle a de la chance, c'est un mec très sympa. Dans le meilleur des cas, alors. Ouais, Béglé, ouais. Il a d'ailleurs participé aux Grosses Têtes. Hein. Oui, tout à fait. Mais il est génial, Jérôme. Donc, elle monte bien. Enfin, je veux dire, elle monte bien. Elle progresse dans l'organigramme. Je comprends rien. Elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée hier soir. Elle n'est pas. Ah non, mais elle n'est pas rentrée par piston. Elle n'est pas rentrée par piston. Parce que moi, je l'ai su après. Je l'ai su après. Quand elle était là, on m'a dit qu'elle était là. De toute façon, ça c'est sûr. Elle a eu le concours du CFJ, elle a jamais dit qu'elle était ma fille. Heureusement, elle aurait jamais été prise. Tu m'étonnes. Même le nom, elle l'a pas pris. Elle prend pas votre nom. Non, mais ça c'est normal. Laurent prend le nom de son père. Ah oui, c'est vrai. Ah, non, ma fille a pris le mien. Bravo de le retrouver quand même. Vous avez des enfants, vous, Ellie? Oui, j'ai un fils qui s'appelle Antoine. Et il fait quoi? Il est hors de question qu'on en parle. Parce que vu comment ça tourne là. Il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Il est PD. Pourquoi? Il y aurait pas de mal. Bon. Comme je vous connais, chère Élie, je suis sûr que ça vous dérangerait absolument pas. Non, pas du tout. Eh, c'est marrant, ça devient un métier. Il a quel âge, en revanche? Il a 20 ans. Et vous, Jean-Jacques, vous avez un fils? Oui, oui, bah vous le savez. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Oui, je l'ai rencontré. Ah, c'est vrai? Oui, très sympathique. Oh, le froid. Oh, le froid. Je vais faire ma gueule. Il fait quoi, de la peinture sur soie comme son père? Il m'a cramé aussi, connard. Vous cherchez des solutions épargne pour la transmission de votre patrimoine à la retraite? Bénéficiez de toute l'expertise d'AXA en assurance vie pour transmettre à vos proches. Même si vos priorités changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien accompagné avec AXA. Rencontrez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur AXA.fr. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Carrefour Market fête ses clients! Super ambiance, votre fête. Ça me donne presque envie de danser. Eh bien, dansons, Michel. Market fête ses clients avec une farandole de prix choc à saisir d'urgence. On danse quoi, alors? Des slow, des rock? Des promos, Michel. Par exemple, jusqu'au 3 juillet, pour deux packs d'eau minérale naturelle Contrex achetés, les deux autres identiques sont gratuits. Ça tombe bien, parce que danser, ça donne soif. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 6 fois 1 litre 5, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Un vent de révolution souffle sur le camping. Les vieux se tapaient la musique de violence. C'est ce qu'ils disent, les vieux. Camping 3. Moi, j'ai arrêté d'écouter de la musique à la mort du chanteur d'Oasis. Il est pas mort, le chanteur d'Oasis. Quoi? Il est pas mort, Carlos Patrick? Eh, hey, Carlos! Oasis, Oasis, oh! Qu'est-ce que tu bois, Jojo, Jojo? Franck Dubosc et toute l'équipe de Camping 3 vous attendent le 29 juin au cinéma avec RTL. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage, voire conditions sur le site. Allez, à vous de jouer avec Laurent Ruquier! RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Mireille est au téléphone. Bonjour Mireille. Bonjour Laurent. Le chapeau de Mireille. Hey, la, la, la, la. Ah, vous connaissez cette chanson, Mireille? Oui, tout à fait. Eh oui, bah, vous, vous avez 60 ans. C'est normal que vous connaissiez cette chanson. Oui. Qui sent la noisette? Ah oui, vous connaissez, vous, Mireille, la chanteuse. Ouais. Bah, ouais. Le petit chemin qui sent la noisette. Hey. La, la, la, la. Mireille, bah, vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante maternelle. Je m'en branle, là, c'était pour éviter qu'il chante. Hein. Vous habitez Boisne, dans le Loiret, voilà. C'est bien ça? Quel temps fait-il dans le Loiret aujourd'hui? On s'en branle aussi, mais quand même. Il fait gris, mais il n'y a pas le soleil franc. Ah, voilà. Ouais, bah tant pis, c'est une journée de merde. Vous écoutez les grosses têtes souvent, Mireille? Ah, depuis le début. Eh ben, vous faites depuis, bien. Depuis... Bah, depuis Philippe Bouvard, depuis plus de 30 ans, alors. Ah oui, tout à fait. Ah, oui. Là, là. Et vous êtes resté quand même, parce que d'abord, Jean-Jacques Perroni est toujours là, fidèle des fidèles. Oui. Oui, mais je ne me sens pas très bien en ce moment. Que vous aimez bien, j'en suis sûr, Caroline Diamant. Ah oui, je les aime tous. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Même Laurent Baffy, même Laurent Baffy. Ah oui, j'aime bien. Oui, ah oui, oui, quand même, il a son style. Hein. Ah, bah ça, c'est ça. Oui. Je te baise, Mireille. Non, il est un peu bourru. Hein. Bah, Mireille, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes en vacances. En plus, ah ça, bon, récompensera ça votre fidélité. Un week-end dans un hôtel qui fait partie de la sélection verichic.com. Aujourd'hui, on vous offre les portes. Enfin, les portes. On vous offre pas les portes. Les portes de l'hôtel Aigle Noir vont s'ouvrir pour vous à seulement 100 mètres du château de Fontainebleau. Un cadre cosy, enchanteur, style empire, avec étoffes de luxe, meubles anciens, chambres luxueuses. L'Aigle Noir est une ancienne demeure de caractère du 15e siècle, très prisée des grands nobles de l'époque. Il venait à la cour des souverains. Ce sera un séjour historique donc que vous passerez grâce à verichic.com dans cet hôtel Aigle Noir, tout près de Fontainebleau. Mireille, ça vous va? Ah oui, très bien. Mais bon, il faut déjà répondre à la question. J'espère que pour la dernière, ça sera une question assez facile. Oh, la question est assez facile. Elle concerne les régions de France, les nouvelles régions de France. Elles sont 13, vous le savez, ces régions. Et d'ailleurs, on a hier définitivement acté que la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes allait s'appeler la nouvelle Aquitaine. Vous avez vu ça ? Oui. Hein, ça, c'est décidé. Bon, le nord de la France, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle les... Le Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, oui. Voilà, parfait. Mais je vais vous demander comment s'appelle maintenant la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Languedoc-Roussillon. Moulard en Gâtinais. Non. Ah, vous avez les Hauts-de-France. Né de la fusion Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées à l'issue des débats vifs. Normandie. À la Normandie. À la Aquitaine. Attendez. J'en ai connu des réformes bizarres. Oui. Non, mais ça, c'est une erreur comme le GPS. Elle a mal utilisé Google. Alors, dit, ça commence par un O, madame. Ça commence par un O. Mireille, il faut réfléchir. Allez. Un petit peu quand même. Vous imaginez Occitanie. Voilà, Occitanie. Oui, voilà. Et oui, quand même. Je n'arrête pas de le dire à nos auditeurs, ne lisez pas bêtement ce qu'il y a écrit sur un ordinateur, réfléchissez un petit peu quand même. Franchement, vous imaginez bien, je veux bien que le gouvernement fasse des réformes curieuses parfois, mais au point d'appeler la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées la Normandie... Et Laurent, vous pensez qu'à la rentrée, on va avoir des auditeurs un peu moins cons quoi ? Mireille, franchement, là vous l'avez cherché, hein ? Ah oui, bah tout à fait, pour bien au moins s'amuser. Ben hein, vous avez raison. Voilà. Mais écoutez, l'Occitanie vous permet tout de même de partir jusqu'à Fontainebleau, en tout cas tout près de Fontainebleau, à l'hôtel Aigle Noir. Et vous, alors, dans quelle région vous êtes, le Loiret ? C'est quelle région maintenant ça ? C'est centre. C'est toujours le centre. Centre Val de Loire. Voilà, tout à fait. Centre Val de Loire. Ben écoutez, on va vous souhaiter de jolies vacances, chère Mireille. Un petit message à faire passer des amis, de la famille, un commerçant peut-être ? Non. Bah, je vous souhaite à vous de bonnes vacances. Oh, c'est gentil. Et puis retour au mois de septembre avec, ou fin août, je ne sais pas. Fin août. Avec autant de bonne humeur, autant de choses. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Oh, bah, c'est très gentil. Mignon. Et on sera là pendant tout l'été, évidemment, avec des best-of, des grosses têtes, cela va de soi. Sans oublier, évidemment, les grands événements sportifs au milieu de nos rires, puisque le Tour de France, les Jeux Olympiques et la fin de l'Euro 2016 seront évidemment d'actualité sur RTL. Pendant les deux mois qui viennent, on vous embrasse, Mireille. Moi aussi, je vous embrasse. Merci. Et à l'occasion de la tournée Folio sur mer, Mireille, les éditions Folio et RTL vous offrent, eh bien, une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails d'ailleurs de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lecite.fr. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode ? La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr en tapant trois lettres QVC.fr. QVC. Achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL. Première radio de France. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Oui, et ils sont complètement givrés. Les 6 cônes de glace, vanille fraise, vanille chocolat au choix sont à 1,49€ ici. Et c'est le même prix partout. Des cônes glacées pour moins d'1,50€ les 6, et le même prix partout. Le même patron, partout en France, 1,49€ les 6 cônes, moins de 25 centimes la glace. Ouh, j'en ai encore des frissons. Oh, ça jette un froid. On est mal. Oh, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 3,27€ le kilo, offre valable jusqu'au mardi 5 juillet. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dis, et si tu m'emmenais en voyage ? Oh là, Que pour ses 20 ans, oui. Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, ah. SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui ! Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appels et SMS illimités, plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. RTL. 16h18h, les grosses têtes de RTL avec Laurent Ruquier. Cet après-midi dans le grand studio, Elise Moon, Jean-Jacques Perroni, Caroline Diamant, Christine Bravo, Franz-Olivier Gisbert et Laurent Baffi. Une question pour monsieur Christian Bourguignon qui habite Villeneuve-d'Ornon, c'est en Gironde. Qui fut demi-finaliste du 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 ? Westmiller. Bud Spencer. Bud Spencer. Bud Spencer. Bud Spencer. Bud Spencer. Ouais. Bonne réponse. Bravo. Mais il est dans l'actu. Bah oui, il vient de mourir. Il vient de mourir, Bud Spencer. Bud. Le gros. Le gros avec la. Terence Hill et Bud Spencer. Ah non, mais je savais pas qu'il avait été champion olympique. Avec qui vous pensiez. J'ai pensé que vous parliez d'un champion olympique. J'ignorais totalement qu'il avait été champion olympique. Ah ben oui, il a été champion olympique. Pas champion, puisque je vous dis qu'il a été demi-finaliste. Oui, pour oui. être champion olympique, il faut gagner la finale. Vous d'accord, voyez, Christine, enfin, bravo. C'est peut-être un peu technique pour elle. Non, c'est quand même le deuxième meilleur du monde. C'est énorme. Ah, il a été en tout cas le premier Italien au 100 mètres nage libre à passer sous la minute, c'est ça ? Sous la minute, absolument. Sous la minute. Ouais. 58 secondes. Il est descendu jusqu'à 58. Ouais, 58 secondes. Bon, depuis, j'imagine qu'on va beaucoup plus vite que ça. Mais en tout cas, lui, il avait réalisé en 1950, 59 secondes. Ça a été le premier Italien sous la minute au 100 mètres nage libre. Ce qu'on n'imagine pas, parce qu'on a toujours connu un peu gros, nous. Bud Spencer, c'est pas très italien. Il a choisi un pseudonyme. Vous voulez son vrai nom ? Ah bah Carlos. Oui. Il s'appelait Carlo Pedersoli. Ouais, Pedersoli. Et il a choisi Bud Spencer. Bud pour la bière. La Budweiser. Et vraiment. Pour Spencer Tracy. Et Spencer pour Spencer Tracy. Génial. Quelle filmographie, quand même. Ah, des Trinita. Les titres des films. On l'appelle. Alors, franchement, on l'appelle Trinita, ça allait encore. Il y en a eu 8. On continue à l'appeler Trinita. Ah, oui. Pourquoi pas ? Maintenant, on l'appelle Plata. Bon, ça, non. C'est. Ah, bah oui, oui. Après, il y a eu attention, on va se fâcher. Quand faut y aller, faut y aller. Ça, c'est assez chouette. Les super flics de Miami. Petit papa baston. Alors tout ça, c'était avec Terence Hill. Ouais. Mais quand il a joué tout seul, ça a été encore pire. Quand il était sans Terence Hill, il a joué dans Les anges mangent aussi des faillots. Non. Si. Oh. Mais pas joué là-dedans, Elie Semoun. Non, je te remercie. Je vous remercie. Non. J'ai eu vent de ce film. Inspecteur Bulldozer. Mon nom est Bulldozer. Merci. On m'appelle Malabar. Non, mais escroc, macho et gigolo. Ça, j'ai joué dedans, on m'appelle Malabar. Ouais. Le shérif et les extraterrestres. C'est quand même assez chouette. Ah ouais. Il vient de mourir. Bon, il était plus tout jeune, hein, le pauvre. Enfin, il avait un peu plus de 90 ans. Non, 86. 85. Oh non, oui, 86, 86 ans. Oui, c'est ce que je dis, un peu plus de 90. Non, parce qu'il mentait sur son âge. Ah ouais. Oh, ça, c'est possible qu'un acteur mente sur son âge. Ah, oh, bah oui, évidemment. Non, mais bah, vous mentez bien sur votre âge, vous, Christine. Non, oh, bah non. Bah si, quand même. Non, elle peut pas. C'est vrai, pas. Tu peux dire ton âge comme ça, là. Ouais, ouais, bah, ça y est, c'est passé les 60, là. Ouais, bien sûr, on l'a fêté ici. Donc. On est déjà à 73, là. Non, mais c'est formidable. Moi, maintenant, je vais mentir dans l'autre sens, bien sûr. Je vais dire 70, parce qu'on va me dire « Oh, putain, tu les fais pas. » Je serais que toi, je ne m'y risquerai pas. Ouais. Ouais, tu prends un risque quand même. Hein. Une question culturelle. Tiens, vous aimez les questions culturelles, oui, chérie. Oui, oui. Je sais que vous brillez généralement dans ces cas-là. Et ouais, foutez-vous de ma gueule, c'est ça. Et vous avez toujours été antisémite comme ça. Non, mais c'est fou ça. Et d'autant que tout le monde peut répondre à cette question, il suffit d'y réfléchir. Alors. C'est une question pour Hélène Thielano qui habite Bourg-en-Bresse. D'après Platon, quelles sont les quatre vertus cardinales ? La sagesse. Alors. La sagesse. La patience. Non. La virginité. La patience, non. Ah l'intelligence. L'intelligence, non. C'est pas une vertu. Attendez, vous avez dit faut réfléchir, c'est pour moi alors. Ça y est, va poser on parle questions. Des vertus cardinales. C'est quoi cardinal ? Donc c'est l'est, l'ouest, oui, le nord, ça, et ça, le sud. Toi t'es à l'ouest. Occupe-toi de l'ouest toi. La chaleur. Ah je sais la chasteté, la chasteté. Mais non, ça c'est pas une vertu cardinale. Alors, si, une vertu cardinale par rapport au cardinal de la religion catholique, oui. On est d'accord. Si Claudia Cardinal avait été chaste, ça se serait su. Non. Non mais c'est religieux. Forcément. Ce n'est pas religieux. C'est philosophique. Voilà, la sagesse, non, c'est la réflexion, pas la lenteur. La lenteur. Ah, c'est marrant, hein, parce qu'on connaît cette expression des vertus cardinales. Je connaissais pas bien, pour être honnête. La pondérance. La pardon ? La pondérance. La pondérance, on n'est pas loin. Alors, la prépondérance. La modérance. Non. Ça veut rien dire, mais. La modération. La retenue. La réflexion. La retenue. Non. La discrétion. La discrétion, non. Bah, déjà pour ça commence par un pont aussi. Non, mais le silence. Bon, écoutez, il y en a l'abondance. Qu'à... L'abondance, non. Est-ce que j'ai une de ces vertus, Laurent ? Est-ce que vous avez une de ces vertus ? Aucune, non. Aucune des quatre. Ah, ça peut nous aider, alors. Alors. Oui. Est-ce que vous pensez qu'autour de la table, autour de vous, certains d'entre nous ont certaines de ces vertus cardinales ? Bon, écoutez, moi, La générosité, la bienveillance, la culture. Non, la bienveillance, c'est pas lui, non. On a cité toutes les qualités, c'est pas possible. Attention, ce ne sont pas forcément des qualités. On parle de vertus cardinales. Le calme, garder son calme. Le calme, le sang-froid, non. Le sang-froid, non, mais c'est la maîtrise. La tranquillité. La maîtrise de la volonté, ça c'est vrai. L'abstinence. L'impassibilité. Alors, non, mais la sérénité. Non, on se rapproche. Ça procure l'équilibre. Le renoncement. C'est la force de résister aux tentations. Exactement. C'est maintenir les désirs dans les limites de l'honnêteté. Tenir le litre. C'est une vertu. Est-ce que ce sont des expressions ou des mots qu'on utilise encore aujourd'hui, ou est-ce qu'ils sont un chouïa désuet? Il y en a trois qu'on utilise encore, et une, et d'ailleurs c'était celle que vous étiez en train de chercher, une des vertus qui est... L'amour, tout bêtement. La tempérance. Tempérance, c'est la plus difficile des quatre, la tempérance. Alors, bravo. Alors il vous en manque trois. La discrétion, là. La discrétion, qui termine en anse également. Est-ce qu'ils sont tous en anse? Non, il n'y en a qu'une autre qui termine en anse, mais même pas le même anse. Ah, tolérance. La tolérance, non, mais... On se rapproche. Ah, la force, quelque chose qui représente la tempérance. La patience. La tempérance. Vous n'en avez qu'une sur quatre. De toute façon, je peux bien mimer parce que je suis déjà en train de préparer le chèque pour notre auditeur. Non, vous allez le mimer, le chèque. Ou même notre auditrice de RTL, Hélène Thielano. Elle est sûre de toucher 300 euros parce que une vertu cardinale sur quatre, c'est pas beaucoup. En plus, vous avez trouvé la plus difficile, la tempérance. L'abstinence. La vacance. La vacance. Le parasol, peut-être aussi. Alors, écoutez, franchement. C'est marrant quand même que vous connaissiez pas les vertus cardinales selon Platon, évidemment, et reprises ensuite par Aristote. Les vertus cardinales. La réconciliation. 300 euros pour Hélène Thielano sont donc la tempérance, c'est la première des vertus cardinales, la prudence. Putain, j'aurais dû le trouver. Le courage aussi, ça c'est une vertu cardinale, le courage. Mais vous êtes vraiment un salaud. Pourquoi? Parce que moi je cherchais dans ce que j'avais pas. Ah bah attendez, ça va être compliqué là. Le courage, j'en ai. Vous avez du courage, vous. J'ai du courage. Ouais. Ah, vous avez du courage, oui, quand, oui. Et comment alors? Ouais, et bah tu vois, je vais te péter la gueule, j'ai pas de boulot l'année. J'ai pas de boulot l'année prochaine. Ouais, j'ai du courage. Je fais ce que je veux. Elle a raison, hein, dans le nouveau Larousse, courage c'est synonyme d'hystérie. Alors la quatrième, parce que on note. Et la justice. On note pour les vacances. La justice. Les quatre vertus cardinales sont la tempérance, la prudence, le courage. Et vous n'avez justice. Aucune de ces vertus. Ah ben moi j'en ai aucune. Ah c'est vrai. Bah, la tempérance, ça m'étonnerait. Non, la tempérance, non, moi non plus. La prudence, ça peut m'arriver, la prudence. Ah moi c'est pas la prudence, c'est la lâcheté pure. Moi j'ai prudence et tempérance. Moi je crois que j'ai plutôt la justice. J'ai un sentiment de justice. Moi je suis injuste au plus haut point. Ah c'est vrai. Ah oui, sûrement. Et la flatulence, tu l'as ou pas? Les grosses têtes sur RTL. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. 4h30, 7h, RTL Matin. Tout savoir sur l'actualité, mieux comprendre les débats qui animent le pays, découvrir les tendances qui vont changer notre quotidien. Je vous retrouve tous les jours dès 4h30 avec la fine équipe et Marina pour les petits matins de RTL. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur, grâce notamment à notre bloc-notes quotidien pour bien démarrer la journée. Voilà, ça va pas être drôle de vivre avec vous. Alors. Non, ça va pas être drôle. Mais en même temps, j'ai pas envie de vivre avec vous. C'est vrai, ça tombe bien. Rendez-vous demain de 4h30 à 7h sur RTL. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix, livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Profil Plus. C'est étrange, mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'entretien de votre voiture. C'est dommage. Moi, je réserve mon entretien ou mes pneus sur profilplus.fr. Je ne paye qu'en magasin une fois que je suis entièrement satisfait. En ce moment, profitez d'une remise immédiate jusqu'à 80 euros sur les pneus Goodyear. Profil Plus. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Parmi les grosses têtes aujourd'hui, Elise Moon, qui sera en spectacle les 13 et 14 novembre au Casino de Paris. Ah, le nouveau Néon vient de sortir en kiosque. Vous savez, j'aime bien trouver des questions dans Néon. Toujours les savoirs inutiles, les néonogismes, les petites annonces sincères. Je t'aime. Pourquoi ces mots font peur? C'est vrai qu'on a souvent peur de prononcer les mots je t'aime. Je t'aime. Mais alors, effectivement, il propose une nouvelle vie, une vie saine, qu'il faut essayer pendant l'été. Allez voir sur neonmag.fr ou acheter le nouveau Néon en kiosque. Ils disent faire l'amour 4 fois par semaine, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oh là là. Ah, pour nous, non. Faut les trouver. À nos âges, on peut pas. Ah, faut trouver les partenaires 4 fois par semaine. Bah non, sauf parce si que vous quand êtes on le fait seul, ça va. Vous faites combien de fois l'amour par semaine, Christine? En 1986, je vais m'arriver tous les jours. Ah. Et là, il y a eu un petit glissement de terre. Hein. Ouais. c'est marrant, hein. Et aujourd'hui? Bah alors, c'est quoi la question? Ah ben, bah, vous voulez la question de Néon? Bah oui, quand même. Bah, c'est tout ça. Toi, tu veux éviter qu'il te pose la question. Non. La question pour Benoît Tournaire, qui habite en Pennsylvanie, d'ailleurs, aux États-Unis. On a des auditeurs outre-Atlantique. Il y a 4 pages dans le magazine Néon. 4 pages consacrées à la jonquera. Mais qu'est-ce que la jonquera? C'est une danse? Non, c'est un endroit. C'est un endroit, oui. La jonquera, c'est un endroit, c'est en Espagne. Oui. Et une petite république indépendante. Attends, faut que je me rassemble. Vous pouvez me épeler, s'il vous plaît. C'est la maison de quelqu'un de connu. Non. C'est du côté de la Catalogne. C'est du côté de la Catalogne. Une région. Oui, c'est un rapport avec Messi. Ben. Avec Lionel Messi, oui. Pas du tout. Non, la jonquera. 4 pages consacrées à la jonquera. Qu'est-ce que la jonquera? Un musée? Non. Une œuvre d'art? Une œuvre d'art, c'est un quartier, non. C'est un quartier. Oui. C'est plutôt l'ordre du quartier. Est-ce que c'est autonome ou un truc comme ça? Ah, c'est pas autonome du tout. Est-ce que c'est ceux qui veulent revendiquer l'indépendance de la Catalogne? Non, du tout. Ah, je suis surpris parce que... J'y suis allé. Moi, je ne... Ah, c'est vrai? Oui. Ça m'étonne pas. Ah, est-ce que c'est le quartier des putes à Barcelone? Bonne réponse! J'y suis allé, bien sûr. Oui, mais si on donne des indices trop faciles. La Jonquera, moi je connaissais pas la Jonquera. Ah si, c'est un quartier chaud. C'est pas le quartier des putes, c'est le quartier chaud. Comme notre Pigalle. Ah bah c'est plus que quartier des putes, c'est un bordel géant. Oui, en fait, toute la région. Voilà. Tous les jeunes, paraît-il, d'après ce qu'on peut lire dans le magazine, tous les jeunes vont se faire dépuceler à la Jonquera, car c'est juste à la frontière espagnole. Et donc, côté français, espagnol, depuis Perpignan, on va au pute comme au fast-food. Ouais, les maisons closes de la... Il y a moins de sauce. Les maisons closes de la Jonquera... Non, mais moi, je connaissais pas ça, c'est absolument... J'avais entendu parler, Non, parce que c'est quand même incroyable, au moment où on nous raconte, effectivement, que la loi anti-prostitution a commencé à être appliquée. En fait, il suffit de passer la frontière. Oui. Ça, je l'ai vu, Laurent, moi. Ah, c'est vrai? Oui, parce que j'y suis jamais allé. Mais je sais que tous les Français passent la frontière et qu'il y a des bordels qui sont comme des môles, quoi. C'est assez sinistre, hein. C'est une zone induste. Il y a vraiment, c'est comme en France, tu sais, c'est grands centres commerciaux où t'as tout. Et ben c'est la même chose. La prostitution de la Jonquera fait partie intégrante de la vie des jeunes. Les enfants savent parfois dès l'école élémentaire ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Ils connaissent les noms des clubs, le prix des passes, si c'est safe ou pas safe. Combien coûte le kit d'hygiène, c'est-à-dire les draps et le préservatif qu'on distribue. Et les adultes parlent ouvertement de ça dans toute cette région, car la Jonquera, c'est quelque chose de célèbre. Il y a 80 bordels à la Jonquera. J'aurais pu répondre parce que j'ai été... C'est vrai? Ouais. Racontez. En fait, je jouais à Perpignan et le promoteur m'a dit « On vous invite dans un bordel ». Alors j'ai dit « Non, moi je suis pas le genre, mais j'y vais avec mon équipe si vous voulez ». Donc on a été avec mon équipe, on est allé dans un endroit comme ça, hyper glauque. J'avais peur qu'on me reconnaisse et on m'a reconnu. Il y avait plein de Français et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit « Ah bah toutes nos femmes sont allées voir votre spectacle ». Et en fait, ils étaient, eux, pendant que leur femme allait voir mon spectacle, eux, ils sont partis au bordel. Et moi, je suis rentré tout de suite parce que j'avais trop honte. Mais c'est assez glauque, hein. C'est combien? Oui. Ah bah, vous essayez de me piéger. Non. Non, mais c'est vrai, c'est horrible, c'est moche, quoi. Non, mais il n'y a pas que, évidemment, 4 pages sur le bordel dans Néon. J'ai une autre question plus culturelle, celle-là. Et elle concerne Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso. En effet, au mois d'août 1911, Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire, en août 1911, ont été entendus par la police. Pour quelle raison ? Pour le vol de la Joconde. Pour le vol de la Joconde. Bonne réponse collective. Expliquez. Ben explique. On te demande. Mais c'est à toi qu'on demande. Eh ben je sais, ils étaient bourrés. Mais non, ils étaient pas bourrés. Eh ben je sais pas. Eh ben alors pourquoi vous dites ça ? Parce que je savais qu'ils avaient volé la Joconde, mais je sais pas comment mais ils ont fait. Ils n'ont pas volé la Joconde. C'était un ouvrier italien qui l'a volé. Elle fait croire qu'elle sait tout, elle sait rien. Hein. C'était bien la réponse. Mais non, c'était pas la réponse. Non. Ils ont été entendus par la police pour le vol de la Joconde. Mais oui. Mais ils n'ont pas volé la Joconde. C'était pas eux. Pourquoi ils ont été entendus par la police ? Parce qu'ils ont été suspectés, soupçonnés, tout ça. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Racontez, faites pas les mecs, pauvre vieille, tu sais pas. Il y a des tas de gens qui savent pas. Picasso. Que oui, mais eux ils disent pas qu'ils savent. Voilà. C'est la différence. J'avais entendu le nom. Prudence, courage, justice, tempérance. En fait. Le problème de Christine Bravo, c'est qu'il faut qu'elle la ramène. Hein. C'est ça son problème. Mais oui, c'est ça mon problème. C'est votre défaut. À raconter l'histoire de la Joconde. Mais bien sûr que je vais vous raconter l'histoire. Le 22 août 1911 au matin, un peintre familier du Louvre qui s'appelle Louis Bérou, qui vient d'ailleurs pour exécuter des copies de la Joconde. Il se rend au Salon Carré et là, grosse surprise, face à lui, un pan vide orné de 4 crochets, la Joconde a disparu. Alors évidemment, il alerte les gardiens, le chef de la Sûreté parisienne du Quai des Orfèvres arrive, monsieur Amar. 60 inspecteurs sont dépêchés sur le lieu du crime dans la journée même. Vous vous rendez compte un peu ? C'est quand même évidemment un événement, le vol de la Joconde. Ah bah. Alphonse Bertillon, vous savez Alphonse Bertillon ? Des empreintes les glaces. Voilà, le monsieur des empreintes. Et des glaces. Il repère une empreinte digitale. Il fait comparer l'empreinte digitale à celle des 257 employés du musée là, du Louvre. Et non, personne, évidemment, ça correspond à personne. Le voleur n'est toujours pas identifié. Le directeur du Louvre, monsieur Théophile Homol, doit donc démissionner. Monsieur Homol démissionne. Et puis alors la police enquête. Et comme effectivement, il se trouve que Guillaume Apollinaire a un secrétaire qui s'appelle Guy Pierret, qui est belge, qui a dérobé 3 statuettes au Louvre entre 1907 et 1911, donc dans les années précédentes. D'un seul coup, on convoque Guillaume Apollinaire. On essaie de faire des recherches pour savoir si c'est pas encore son secrétaire qui aurait volé aussi la Joconde. Et pour Picasso, pareil, parce qu'il est soupçonné de complicité pour avoir racheté 2 des statuettes que le secrétaire d'Apollinaire avait dérobées. Voilà pourquoi et Apollinaire et Picasso ont été entendus par la police, mais évidemment, c'était pas eux qui avaient volé la Joconde. Italien. Quoi ? C'est un petit ouvrier italien. Exactement, pendant 2 ans. Tous les... 2 ans, la Joconde reste cachée dans un appartement décrépit de la rue de l'hôpital Saint-Louis. Oh, c'est génial. En effet, elle était restée cachée dans cet appartement d'un vitrier italien, Vincenzo Perugia. Il avait mis le portrait sous verre, quand même. C'est quand même gentil, plutôt chouette. En fait, il voulait la rendre à l'Italie. La Joconde, parce qu'il était persuadé qu'on l'avait volée, que les Français avaient volé la Joconde. C'est François Ier qui l'avait acheté. Ah, mais il ne le savait pas, lui, le pauvre. Alors, mais c'est pas ce qu'il a dit après, quand même, plutôt. Hein, pour se dédouaner. Ah, vous croyez ? Oui, il a essayé de la revendre, quand même. On ne sait pas trop. Il nous prend pour des cons, un peu. Ah, vous croyez ? Non, c'est possible. Non, il voulait faire du fric. Il s'est fait choper à un moment où il voulait la revendre, évidemment. Ah oui, il a tenté de la revendre en 1913 à un antiquaire florentin, M. Alfredo Geri. Le rendez-vous est pris, et évidemment, lui, il a appelé la police, et la police, c'est ainsi qu'elle arrête ce fameux ouvrier vitrier. Il fera pas trop de prison, hein. Il n'écope que 1 an de prison, peine réduite à 7 mois. Vous vous rendez compte? C'est pas terrible, hein, pour le vol de la Joconde. Bon, en même temps, c'est pas un meurtre, hein, d'avoir... Mais puis, il n'y avait pas préméditation parce qu'il n'avait pas décidé de s'introduire dans le Louvre pour piquer la Joconde. Il y travaillait comme vitrier, et au bout de 2-3 jours, il s'est dit, c'est jouable. Il s'est caché à la fermeture, il a découpé le tableau, il s'est planqué dans un recoin et il s'est barré. Et il a découpé le tableau ? Non, mais tous les oui, cambrioleurs coupent avec une petite lame la toile. Il n'a pas broyé la toile. Tu réduis à chaque fois que la toile est volée, elle est un peu réduite. Eh ben oui, ben merde. C'est chiant quand même. Elle avait des jambes au départ, la Joconde. Oui, c'est ça. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Géant. Pour les offres exclusives, vous pouvez compter sur Géant. Jusqu'à dimanche, si vous achetez une bouteille de champagne Charles Lafitte Brut Belle Cuvée, la deuxième bouteille de 75 centilitres est 100% gratuite. Soit par deux, la bouteille de champagne Charles Lafitte à 13,51€ au lieu de 27,02€. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août, Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Vous savez quoi? Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Belfort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord Belfort à la saveur ensoleillée du citron, si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde à la fraîcheur acidulée du citron, on obtient l'étonnante Belfort Radler, une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste de fraîcheur. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et vous rêvez de gagner cette valise RTL? Alors pour cela, inscrivez-vous RTL.fr ou encore par SMS code valise au 74 900. Bonne chance à vous. RTL, c'est l'heure de la valise. 1005 euros dans la valise RTL, un abonnement à la revue 21, un autre à la revue 6 mois, un séjour de 3 nuits à Paris dans l'hôtel Seven Hotel, suite agent secret, puis aussi une valise camping 3 dans la valise, avec un séjour en camping avec Campéol. Voilà, une belle valise bien fournie. Elise Moon, je ne vous demande plus jamais. Moi, je ne m'en occupe plus jamais. Plus jamais d'appeler un auditeur. Hier, je lui ai fait peur, il a raccroché au nez, il a perdu 1500 balles. Eh bien, oui, il a dit. La direction m'a demandé de faire des économies, ça tombe bien. J'ai donc demandé à Christine Bravo, qui fait peur elle aussi. Christine, c'est vous qui allez appeler quelqu'un pour la valise. Le d'abord, deux. Un numéro. Le 2. Alors, il s'agit de Jonathan Pichard. Monsieur Pichard qui habite dans la Drôme à Bourg-les-Valences. Notez bien le lieu, Bourg-les-Valences, le nom Pichard et même le prénom Jonathan. Ça va décrocher dans un instant et vous lui demandez évidemment la traditionnelle question qui est, Christine... Quel est le contenu de la valise RTL? Voilà, parfait. Elle a réfléchi quand même. Ça sonne. Oui, allô? Jonathan? Oui. Bonjour Jonathan, vous savez qui je suis? Non. Non, bon alors, alors voilà, vous avez... Bah, présentez-vous déjà. Alors, je m'appelle Christine Bravo. Oui. C'est tout ce que ça vous fait. Ouais, ouais, ça a l'air de lui faire de l'effet. Allô? Ouais, allô. Vous vous êtes inscrit à la valise RTL? Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça fait un bail. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, je dois tout avoir. Vous n'avez pas le contenu de la valise? Si, je dois tout avoir, je pense. Ah bah, alors allez-y, Jonathan, on vous écoute. On espère, Jonathan, car le public RTL est là à vous encourager. Ah, j'aime bien. Alors, 1005 euros. 1005 euros, ça c'est bien. Un séjour de 3 nuits à Paris. Dans la suite de l'hôtel Seven 4 étoiles. Très bien. C'est ça. Un abonnement à la revue 21 et la revue 6. C'est moi. Bien, oui, ouais, d'accord. Parfait. C'est ça. Hein. Et une valise spéciale Camping 3 avec un séjour en camping avec Campéol. Vous avez gagné la valise RTL. Bravo. Excellent. Ah, ça fait plaisir. Excellent. J'avais pas trop déçu. J'avais bon. L'impression que vous n'y croyiez pas au départ, Jonathan. Mais en fait, j'ai eu du mal à reconnaître la voix, mais après, c'est bon. Reconnu. Comment ça, vous n'avez pas reconnu ma voix? Ah bah non, mais oui. Mais non. Christine Bravo, vous savez pas qui c'est, en fait. Bah, la voix un peu enrouée avec l'alcool. Si espèce de con. Avec l'alcool. Elle a choisi un numéro qui est tombé sur vous. Vous avez gagné grâce à elle, ça n'est pas gentil. Vous l'aimez bien, Christine? Ah ouais, j'aime beaucoup Christine. Ah, ouais. Et faux cul avec ça. Ah non, mais bravo, parce que en plus, on va partir en vacances. C'est la dernière valise en cette fin de saison. Donc, franchement, on reprendra la valise, évidemment, dès la fin du mois d'août. Mais vous êtes le dernier gagnant de la saison 2015-2016, Jonathan. Magnifique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis inspecteur dans une entreprise de nettoyage. Inspecteur dans une entreprise de nettoyage. On peut vous envoyer Christine. Elle est au chômage à partir de ce soir. Elle a eu la main heureuse, hein, quand même. Oui, exactement. Mais au début, vous ne l'aviez pas reconnue, tout simplement. Alors, j'ai eu du mal, oui. Vous aviez un peu peur que ce soit une blague, j'ai bien compris. C'est ça. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu vous envoyer Elise et Moon. Si ça avait été moi, vous auriez raccroché tout de suite. Non. Vous écoutez les Grosses Têtes depuis longtemps ? Depuis que vous avez changé de radio. Ah bah écoutez, c'est gentil d'avoir changé de rue avec nous, d'être passé de la rue François 1er à la rue Bayard, en quelque sorte. C'est ça. Quel temps il fait à Bourg-les-Valence aujourd'hui ? C'est super beau, il fait 30 degrés là. 30 degrés, voilà. Vous êtes marié, Jonathan ? Oui. Et bien ce soir ? Un an. Marié depuis un an. Oh, il a déjà l'air lâche. Et ben, quand même, ça va un peu faire plaisir à votre épouse, quand même. Ah, bah ouais. Vous allez lui dire, que vous avez gagné 1005 euros? Ouais, je vais lui dire. Ouais. Et puis vous allez pouvoir partir en plus au Seven Hotel avec elle. 3 nuits à Paris, vous rendez compte? Ah, c'est chouette, ouais. À l'occasion de l'exposition de James Bond 007 à la Grande Halle de la Villette. Vous pourrez, dans le train, lire les revues 21 et 6 mois. Et en plus, vous avez non seulement 3 jours à l'hôtel à Paris, mais un séjour d'une semaine en camping à l'occasion de la sortie Camping 3 avec Campéole. Franchement, une belle valise. Ah oui. 1005 euros, une semaine de vacances en camping, 3 jours à l'hôtel, c'est pas mal, franchement. Surtout que le camping est à La Hague, tu vas t'éclater. J'ai les tout nus. Bah écoutez, on vous remercie d'abord d'être fidèle à RTL. Ben, ouais. Vous avez un petit message à faire passer? Eh ben, continuez comme ça, je vous aime beaucoup. Vous faites bien passer mes après-midi. Eh ben, c'est très gentil. Hein. On vous embrasse. Bravo, Jonathan. On a le temps pour une autre question. Alors, ce sera pour Monsieur Fetchki qui habite Roubaix, dans le Nord. Ali Fetchki qui habite Roubaix perd 300 euros. Et la question concerne les chiffres et les lettres. Tout le monde connaît évidemment l'émission mythique créée au départ par Armand Jameau, présentée aujourd'hui par Laurent Romeshko. Mais on le sait, l'émission fut aussi présentée par Patrice Lafont, par Laurent Cabrol aussi. La première présentatrice s'appelait Christine Fabrega. Non, ouais. Et c'était le mot le plus long. Avec Max Favalelli. Voilà, ouais. Non, c'était Jean Valton. Avant Max Favalelli, on l'a d'ailleurs rappelé hier. Ouais. Mais il manque dans cette liste d'animateurs qui ont animé. On oublie le mot le plus long, c'était la version initiale avec Christine Fabrega. Restons sur les chiffres et les lettres. Il y a eu Patrice Lafont, il y a eu Laurent Romeshko, il y a eu Laurent Cabrol. Mais entre Patrice Lafont et Laurent Romeshko... Non, il y a eu quelqu'un d'autre. Qui d'autre ? Entre Patrice Lafont et après Laurent Cabrol, avant Laurent Romeshko, il y en a eu un autre. Quel siècle ? Ah oui, c'est un comédien qui s'appelait... Non, c'était en 1992. Et c'était pas un comédien. Ok, alors j'imagine Philippe que... Risoli. Philippe Risoli, non. Ils ont dû écarter Patrice Lafont en lui disant qu'il était trop âgé. Donc ils ont dû mettre quelqu'un de plus jeune qui finalement... Non, puisque c'est Laurent Cabrol qui lui a succédé. Dans un premier temps. Donc c'était le même âge. Il avait le même âge que Patrice Lafont, quoi. Il avait, je ne sais pas s'il avait le même âge que Patrice Lafont. Lafont, lui, il n'a pas été écarté, puisque d'abord, il était producteur. Il voulait faire autre chose. Et c'est lui qui en avait ras le bol. Et puis en 92, tout le monde n'était pas vieux. Et cet animateur est tombé dans l'anonymat ou on le connaît encore? Oh, hélas, il n'est plus là et on s'en souvient très bien. Il est mort. On l'aimait bien, il est mort. Il avait présenté le juste prix, là. Il est mort d'un cancer. Brunner. Patrick Roy est mort. Pascal Brunner. Pascal Brunner. Non, Patrick Roy. Non. Il est mort. C'est Gillot Pétré. Gillot Pétré. Non. C'est un homme qui est décédé il y a longtemps. Oh, il est mort il y a, hélas, oui, quelques années maintenant, et on le regrette. Moi, j'aimais beaucoup ce monsieur. Est-ce que c'est une programmation surprenante de l'avoir mis à cette... Oui, est-ce que c'était pas Max Meynier ? Et c'était Max Meynier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui. C'est l'animateur des routiers sans sympa sur RTL. Max Meynier aux chiffres et aux lettres, c'était quand même assez surprenant, évidemment. Mais il fut animateur de cette émission en 1992. Et puis ensuite, après lui, eh bien, est arrivé Laurent Romeshko. Il y avait eu Laurent Cabrol. Et évidemment, on se souvient tous, en tout cas les plus vieux parmi nous, de Patrice Lafont, qui quand même, lui, a présenté de 1972 à 1989. Donc quand même meilleur. Pendant 17 ans. Et dans 30 ans, c'est vous, ce sera votre petite retraite. Vous vous souvenez, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, du candidat non-voyant. Mais je cherche son nom et je le retrouve pas. Alphonse Braille. Non. Mais il y a un candidat non-voyant. ce qui était incroyable à l'époque, parce qu'évidemment... Et il gagnait tout. Il gagnait tout, il est resté plusieurs semaines et contre... Parce qu'il se rappelait les lettres. Les autres, évidemment, avaient les lettres, il fallait qu'il trouve des mots en fonction des lettres. Il faisait ça dans sa tête. Alors que lui, il faisait ça de mémoire, il avait le tirage de mémoire. Ça a évidemment fait l'audience de l'émission pendant de longues semaines. Moi, j'en revenais pas de voir ça, évidemment. Ah, bon ah ben oui, forcément. C'est extraordinaire, tu te rends compte, la gymnastique. Il a été démasqué après, il avait 10 et 10 à chacun. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Promo en pleine lucarne chez Intermarché. Jusqu'au 10 juillet, la pizza Haute-Cœur Ristorante est à 2,15€ avec en plus 40% en avantage carte. Oui, 40%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété 4 fromages, 340 grammes, 6,33€ le kilo. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ma chérie, tu déménages ? Ben non, je prépare les affaires pour les vacances. Mais on va encore être chargés comme des bulles. Et les pneus vont jamais tenir. T'inquiète, tu vas chez Euromaster, ils font des super remises. Fonce mon cœur ! Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant les expertissimes Euromaster, jusqu'à 80€ offerts pour l'achat de pneus Michelin. Euromaster. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 31 août. Devis, achat et conditions sur Euromaster.fr. RTL, première radio de France. RTL. Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 17h. Les infos, Céline Landreau. 14 à 15 000 manifestants selon la police, 55 000 d'après Force Ouvrière. 11e manifestation parisienne cet après-midi contre la loi travail. Un rassemblement très surveillé, quasiment interdit selon le NPA. 2500 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour l'occasion. Et malgré quelques incidents, la manifestation a été plutôt calme dans l'ensemble, Philippe Roy-Contensin. Oui, la tête du défilé est arrivée il y a une demi-heure, place de l'Italie. Sur les 2800 mètres du parcours, l'atmosphère était bien sûr parfois un peu tendue. À chaque abribus, chaque banque, un cordon de CRS assurait la protection du mobilier urbain et des établissements. Toutes les stations de métro de la ligne 5 entre Bastille et place d'Italie avaient été fermées, ce qui a ralenti la mobilisation. Il était donc difficile de rejoindre le cortège puisque toutes les rues aussi étaient barriérées par des camions de police ou des grilles anti-émeutes. Les accès sont filtrés, il faut ouvrir son sac et pour aller place de la Bastille, les forces de l'ordre ont même procédé à des palpations. Pour les syndicats, le mouvement ne s'arrête pas ce soir, même si les vacances d'été se profilent. La CGT programme une journée d'action le 5 juillet prochain. Philippe Roy-Contensin, la CGT qui, comme les autres syndicats et le patronat, sera reçu demain et jeudi par le Premier ministre pour faire le point sur le projet de loi travail. Manuel Valls, qui était à l'Assemblée nationale cet après-midi pour un débat sur l'Europe après le Brexit, le Premier ministre a mis en garde ceux qui jouent aux apprentis sorciers en réclamant un référendum en France. François Hollande, lui, est à Bruxelles, premier sommet européen depuis le vote des Britanniques. Les 27 demandent désormais au Royaume-Uni de lancer rapidement la procédure de divorce en prévenant ce ne sera pas une séparation à la carte. Pour Angela Merkel, celui qui sort de la famille ne peut pas s'attendre à ce que tous ses devoirs disparaissent et que ses privilèges soient maintenus. Ce sommet européen et le Brexit, on y reviendra évidemment dans RTL Soir. Avec vous, Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Évidemment, bonsoir Céline. Nous irons retrouver nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Béatrice Adjadj et Vincent Derosier. Et puis Céline, nous vous révélerons les résultats du premier sondage réalisé depuis le Brexit. Vous connaîtrez la position des Français sur la décision des Anglais, mais aussi leur réponse. Veulent-ils d'un Frexit si un référendum était organisé en France ? Eh bien, on va suivre ça à tout à l'heure. À 18h. Tout à l'heure, Marc-Olivier. Et puis, c'est désormais officiel. Unai Emery devient le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Sylvain Charlet. Oui, Céline, il vient de s'engager pour 2 ans, donc jusqu'en 2018. Triple vainqueur de la Ligue Europe avec le club espagnol du FC Séville, un club dans lequel on compte plusieurs joueurs français, dont notamment l'international Adil Rami, actuellement avec l'équipe de France lors de l'Euro. L'entraîneur espagnol de 44 ans prend donc la place de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui a été remercié remercié par les dirigeants, les propriétaires qataris du club parisien. Et je vous le rappelle, on parle d'une indemnité de départ de l'ordre de 22 millions d'euros pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Merci Sylvain. Un mot du temps pour demain. Des nuages encore au nord avec un peu de pluie près de la Manche. Des nuages qui vont même gagner du terrain vers l'est et le sud en donnant quelques averses dans l'après-midi entre le nord-est et le sud-ouest. Des orages sont attendus en fin de journée du sud du Massif central à la Franche-Comté. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 21 degrés demain matin, de 17 à 32 l'après-midi de Brest à Montélimar. Vous aurez 20 degrés à Lille, 23 à Paris, 26 à Mulhouse et jusqu'à 28 degrés à Toulouse. 17h et 3 minutes, vous êtes sur RTL et les grosses têtes reviennent maintenant avec Laurent Ruquier. RTL. Jusqu'à 18h. Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Caroline Diamant, Élie Semoun, Jean-Jacques Perroni, François-Olivier Gisbert et Laurent Baffy. Une question pour M. Pascal Jourdain qui habite Garennes, c'est dans l'Eure. On reparle dans la presse. J'ai fait un petit rototo. T'es pas obligé de le dire. Mais si, c'est mais mignon si. La façon dont il le dit. Mais oui. Vous écoutez Rotolo. Ça arrive, écoutez. Mais voilà. Oui. On a goûté, il est 5h. Voilà, et je tiens évidemment à présenter mes excuses à tous les auditeurs. Cela m'arrive... Je savais pas qu'on avait le droit de leur roter à la gueule. Cela m'arrive rarement, mais ça arrive. Voilà, alors... justement, la question concerne le poramature. On en reparle dans les journaux aujourd'hui, du poramature. Mais pour quelle raison? Poramature. Le poramature. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez épeler? Le poramature. P-O-2-R-A-M-A-T-U-R. C'est quoi, c'est une maladie? Ce n'est pas une maladie, le poramature. Alors moi, je pense, c'est un nom islandais. Oui. Poramature, ça doit être un des volcans. Non. Ou le nom de l'équipe islandaise. C'est politique. Pas du tout. C'est la cure thermale qui consiste à aller dans les geysers. Non, écoutez l'autre qui, soi-disant, est allé en Islande. Eh ben, c'est le lieu le plus visité d'Islande. C'est un plat. C'est de la baleine. C'est de la baleine. C'est un plat. C'est le plat traditionnel islandais, le poramature. Bonne réponse, Élie Semoun. Vous n'avez pas mangé du poramature quand vous êtes allé en Islande? Non, parce que... elle m'a montré des photos des de restes la baleine, d'une baleine. Des plats de baleine. Et... alors, c'est pas avec de la baleine, le poramature. C'est avec du requin du Groenland. Ouais, mais c'est dégueulasse. En plus. Des testicules de mouton cuits dans leur jus. J'ai vu, c'est dégueulasse. Et macérés dans le lait aigre. Ah, c'est bon, ça. Des têtes de mouton grillées et bouillies. Oh, et des œufs de chèvre. Du fromage de tête. De la saucisse de foie. Moi, j'ai pas pu. Non, mais ils sont obligés de prendre des trucs qui tiennent par moins 30. Du poisson séché et souvent de la morue du haddock avec du beurre. Tout ça est mélangé? Tout ça est mélangé. Ouais, mélangé Du boudin noir avec du sang, non, de arrêtez, la graisse de sang et des nageoires de phoque. Oui, et c'est après, on nous dit que ces mecs, ils vont craquer sous la pression. Mais déjà, essayez de faire bouffer ça à l'équipe de France, tu vois, je veux dire. Non, franchement. Alors, j'espère qu'ils vont pas bouffer du français. Ah oui, si tu peux supporter ça, tu supportes tout. Mais tout. Et franchement. T'as raison, quand les Français vont arriver avec leur quinoa bio, là, les autres, ils vont courir avec des nageoires de phoque. Ils bouffent du foie de phoque cru. Ah, mais c'est incroyable le poramature. Hein. C'est un plat viking. Ah oui, ça, on sent bien le côté viking. Consommé donc essentiellement en janvier et en février, en particulier pendant la fête d'hiver. Et avant le suicide. C'est une vraie tradition scandinave. Vous n'avez pas goûté alors? Écoute, c'est pas que j'ai pas goûté, c'est que j'ai vu. Et on m'a dit, voilà, c'est le plat national. Donc si tu veux, je savais pas que ça s'appelait poramature. Mais... d'abord, on ne tutoie pas. Ah mais je sais pas à toi que je parle. Ah bah c'est à qui? À Caroline. Ouais, d'accord. Donc, c'est vrai qu'on vous confond souvent. On m'a dit c'est le plat national. Là, vous avez ce qu'il y a dedans, mais vous n'avez pas l'odeur. Ah oui. Et je vous jure l'odeur, parce qu'au petit-déj, ils vous mettent ça sur la table. Ils vous mettent ça à côté de la baleine. Ah oui, il y a du gras de baleine marinée. Voilà. Aussi. Et moi, franchement, côté bouffe, ils sont très spécs. Hein. Et côté écologie, ils sont lamentables. Hein. C'est eux qui osent le Féroé massacrent les globicéphales chaque année. Oui, hein. Oui, ah, oui, oui, oui, mais Il voilà. mérite de perdre. Tant qu'il ne massacre pas les Bleus dimanche prochain. Ouais. En tout cas, évidemment, pour l'instant, ce sont eux qui réalisent l'exploit, les Islandais, Allertsson, Sæverson, Amason, Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason et Skjoldason, sans oublier Böðvarsson, qui a été remplacé à la 89e minute par Trostason. Mais non, mais le président s'appelle Johansson, je crois. Mais oui, mais c'est le fils d'eux, ça veut dire. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas, Björk? C'est le fils de... Son vrai nom, c'est Mikkelton. Non, mais le pire, c'est le GPS, tu vois. J'ai mis un GPS, quand il commence à te dire où, dans quelle rue il faut tourner, mais il n'y a que des voyelles. Il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Et donc... C'est confus, hein. Oui, c'est confus. Et toi, tu ne peux pas demander voyelles. Les chiffres et les lettres, l'émission est bizarre, là-bas. Ah oui, consonne, Christine Bravo, tournez à droite. Ils sont très forts au Scrabble. Exactement. Ah, vous faites même le GPS islandais, oui, monsieur. C'est ça. Oui. Bravo, oui. Tais-toi. Combien de temps vous êtes resté en Islande? 15 jours. C'est quand même. C'est un de mes plus beaux souvenirs de voyage. Pas eux. Vous avez un côté islandais, le côté, parce qu'ils sont tous blonds, hein. On les a vus. Ils sont blonds. Sur le terrain, ils sont. Et puis là-bas aussi, ils sont que blonds. Hein. Bah, je vois pas pourquoi ils seraient blonds ici et pas là-bas. Elle est con, alors. Il y a eu un sondage, d'ailleurs, qui a été fait en Islande. Auprès des Islandais, il y a eu un sondage intéressant. Est-ce que vous seriez prêt à avoir une aventure avec Christine Bravo? Réponse, 97% des Islandais, plus jamais. Elle est bonne. Elle a raison, excusez-moi, Björk est très brune. Et oui. Ah, Björk est très brune, mais Björk, je peux pas croire qu'elle soit islandaise, parce qu'au fond, depuis le début de cet Euro 2016, j'attends une réaction de Björk, quand même. Elle a son équipe nationale qui fait des exploits chez nous en France, et elle est toujours pas intervenue, Björk. Elle est pas aimée. Attendez, peut-être qu'elle s'en fout. Du foot. Elle est pas aimée. Oui, c'est peut-être ça. Oui. Toi, t'es la meuf, tu passes 15 jours dans un pays, tu penses que tu ne peux nous parler. Mais j'en ai pas. Politique, de géopolitique. Mais j'en ai parlé, bien sûr, je parle. Alors qu'il n'y a personne avec qui parler là-bas. Elle rentre, elle sait tôt. Mais... T'es parti en vacances chez Wikipédia, tu oui. Björk, elle a trouvé son pseudo devant un plat de porc mature, il paraît. Björk. Oh, chiche qu'on en mange. De quoi? Du porc mature. Ah non. Ah non, non, non. Non, non. Moi, j'ai un panda dans le congélateur, je ne l'ai même pas fini. C'est gâché, hein. Je pris une pâte et ça m'a écœuré. Et l'été, parce que moi je cherche une destination pour l'été, c'est aussi bien que l'hiver. Ah, c'est magnifique l'été. Ah oui. C'est mieux peut-être même. Il n'y a pas de neige. Ah bah oui. Alors c'est peut-être moins bien sans neige. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Si vous voulez voir des aurores boréales, faut y aller en hiver. Ah, des aurores, j'en vois souvent. Elles sont pas forcément boréales. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier sur RTL. Carrefour. Maman, regarde, c'est l'opération au top de ma beauté chez Carrefour. Il y a plein de promos. Mais oui, j'ai vu ça. Il y en a tellement que j'arrive pas à me décider. Ben, moi, je te conseillerais de prendre le gel douche Sanex. En plus, jusqu'au 11 juillet, il y a 40% de remise immédiate dessus. Ah, j'aime bien quand tu prends soin de moi et de mon budget. Jusqu'au 11 juillet, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Profitez par exemple de 40% de remise immédiate sur le gel douche Sanex. 2 x 750 ml. Carrefour. Mes plaquettes de frein sont usées et j'avais pas vraiment prévu ça. Avec Oscaro.com, achetez vos plaquettes de frein sur Internet. Vous avez accès à plus de 500 000 pièces automobiles neuves, identiques constructeurs, jusqu'à 2 fois moins cher. Et ce sont des pièces d'origine? Oui, en provenance des plus grands équipementiers. Bon, eh ben, je me lance. Et en ce moment, avec Oscaro.com, vous pouvez gagner des centaines de cadeaux Disney Pixar Cars, des home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des appareils photo, des DVD, voire conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Et pour les courses, direction Saint-Cloud, avec vous Bernard Glass, bonjour. Bonjour Isabelle, avec un rappel bien sûr de l'arrivée du quintet de cet après-midi à Saint-Cloud. Le 4 était non partant, le numéro plus 1858 et la bonne combinaison, l'As, le 3, le 9, le 13 et le 11. La 7e épreuve a vu la victoire du 11, Anna Lichius, 2,70 et 1,40 devant le 4, Roderick Quinn, 2,10 et le 7, Scandaleux, 2,20, 4e place pour le 2. Et puis la 8e et dernière vient d'avoir lieu, le 3 était non partant, c'est le 11, Zamoyska, qui s'impose à la cote de 18 contre 1 devant l'As Zilian de l'Arc Cup qui était à la cote de 8 contre 1. Troisième place pour le 5 Zalayani, quatrième place pour le 16 Private Leçon, 11 As 5 et 16 la 8e et dernière. Bien sûr, les résultats complets, les pronostics pour demain, le répondeur 3210 et le site onrefaitlescourses.fr. Demain, ce sera à Maison Lafitte. C'est noté, Bernard. Merci beaucoup. À demain. Eh bien, après les courses, un autre jeu, cette fois-ci avec Laurent Ruquier. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous partons pour Reims, où nous attend Guilhem. Bonjour Guilhem. Bonjour les grosses têtes. Salut. Pourquoi vous vous marrez, Laurent? Parce que c'est un prénom féminin, Guylaine. Non, Guilhem. Ah pardon. Guilhem, non pas Guylaine. J'étais surpris d'entendre une voix d'homme. Guilhem Husson, hein, c'est bien ça? C'est ça, exactement, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guilhem? Je suis paysagiste. Tu cherchais un paysagiste, Christine? Ah oui, vous habitez... Voilà. Ah bah non, mais... Vous êtes de Reims? Je suis de Reims, oui, je travaille sur Reims. Ah, il faudrait lui réarborer la faune, vous faites ça? Non, mettre une allée centrale, et puis des buissons un peu partout, quoi, mais... Lui faire un petit jardin français, quoi, hein. Et vous savez qu'Eli adore jardiner, ouais. Willem. Ouais, bah, faut qu'il aime butiner aussi. Butiner? Ah bon? Comme ça, il sait pas. Là, je comprends pas, là, par contre. Il dit que t'as du miel dans les oreilles. Ah ouais, c'est ça. Et alors, vous êtes paysagiste à votre compte? Vous allez chez des clients faire leur jardin? Comment ça se passe? Ouais, en fait, je travaille dans une entreprise qui a des clients un peu de différents types, autant des bailleurs sociaux que des particuliers, ou voilà. Et du coup, on va chez eux, bah, on fait l'entretien des espaces verts, et puis on les pose, on taille les haies, voilà. C'est sympa comme métier, sauf quand il pleut, évidemment. Ouais, et puis l'été quand il fait chaud. Ah bah voilà. Donc jamais, alors. Et puis des fois, il brûle. Ouais, en fait, c'est un métier de merde. Non, mais vous aimez ça, j'imagine, c'est un beau métier. Ouais, c'est un beau métier, travailler en extérieur. C'est vous qui faites les plans? Ouais. Non, nous, moi, je fais de l'exécution. Vous exécutez, d'accord. Ouais. Combien ouais. vous coûtez de l'heure, si pour l'entretien? Pour désherber Christine, faut compter dans les combien? Ah bah ça peut se négocier. Ah, vous voyez, vous avez des clients encore. Encore un râteau, Christine. Peut-être qu'il peut lui rouler une pelle, j'en sais rien, c'est tout ce que je peux trouver. C'est tout ce que je peux trouver à dire. Guilhem, vous avez un petit message à faire passer avant que je vous dise ce que vous risquez de gagner. Enfin, risquer, c'est pareil, c'est une chance même. Un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la résidence Odalis. Un petit message? Eh bien écoutez, j'aimerais dire un grand merci à Marion et à Delphine. Et puis je voudrais faire un petit coucou à mes parents et puis à Kikounette et Emilien, mes amis. Ah, ça fait du monde, Kikounette. Et pourquoi merci à Marion et Delphine? Mais pourquoi tu dis merci à fait hier soir? Non, ce sont des collègues avec qui sont pas de bons moments. Eh bien, vous pourrez partir en tout cas à 4, vous en choisirez 3 parmi eux, puisque je vous propose un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la résidence Odalis, le hameau du Motaret. C'est à Méribel, Motaret, au cœur du domaine skiable. Les Trois Vallées, vous connaissez sûrement. La résidence se compose de grands chalets abritant des appartements entièrement équipés. Une situation exceptionnelle. Bar, salle de jeu sur place. Allez voir sur odalisvacances.com, vous en saurez plus sur votre séjour, Guilhem. Mais pour ça, faut répondre à une question Euro 2016. Vous aimez le football ? J'aime bien ça, ouais. Alors écoutez, c'est parfait, puisque vous allez certainement savoir et pouvoir me dire quel est le premier match des quarts de finale auquel on pourra assister jeudi 30 juin prochain. Le dernier, ce sera la France contre l'Islande, dimanche à 21h. Samedi, il y aura l'Allemagne contre l'Italie, à 21h aussi. Vendredi, ce sera Pays de Galles, Belgique. Mais le premier des matchs, jeudi soir, c'est lequel? Pologne contre... Essayez des pays d'Europe. Le Portugal. C'est gagné, Guilhem. Ouais, c'est cool. Eh oui. Le premier quart a lieu jeudi soir à 21h et ce sera Pologne-Portugal, ensuite Pays de Galles, Belgique, Allemagne-Italie, ensuite France-Islande. Qu'est-ce que vous dites? Ça fait hashtag popo. Hashtag popo. Bah écoutez, on va vous donner... Elle est expressive quand donner. Elle veut faire. Hein. Hashtag papier, peut-être, on va te donner. Hashtag popo. Mais elle a raison, Portugal, Pologne. Là, c'est hashtag trop tard. Hein.

Et oui, c'est vrai que c'était le moins connu des trois, au fond. Mais hein. Il était bon aussi. Hein. Ah bah, il était peut-être bon sûrement, parce que sûrement, il n'aurait pas été pris. Mais Placido Domingo, Luciano Pavarotti, et le troisième, c'était bien José Carreras. Qui venait en Porsche, toujours. Oui. Mais c'est vrai qu'il était espagnol, hein, et contrairement aux deux autres qui étaient italiens, les trois ténor. Il faut dire que José Carreras vit encore, mais il a été touché par une leucémie dans les années 80 et il a créé une fondation consacrée à la recherche sur cette maladie. Vous êtes ténor vous-même un peu ténor. Ouais, remarque, j'ai chanté avec Alania. C'est pas un vrai. Disque. Oui, oui. Une chanson de Bourvil, je me rappelle plus laquelle par contre. Salade de fruits. Non, c'était pas salade de fruits. Quand on est deux amis, ça s'appelait. Ah. Je me rappelle plus exactement. C'est Georges Guettari normalement qui chante ça avec Bourvil. Ouais, c'est ça. Et oui. Je l'ai chanté avec Alania. J'ai dit une bêtise d'ailleurs. J'ai dit deux Italiens. Non, évidemment, Placido Domingo était espagnol. Ah, lui aussi. C'est Pavarotti. Il y avait qu'un Italien, c'était Pavarotti. Hein. Voilà. Moi, j'y ai pensé. Placido Domingo, il est espagnol, mais je me suis dit, je vais encore contredire le chef. Non, j'ai pas osé. Je me suis dit, on le craint, c'est fou. Me hurler dessus, alors j'ai dit bon, bah, italien. Elle est tellement attendrissante. Mais c'est-à-dire qu'elle elle remarque même pas que je commets une bêtise. Si, j'ai remarqué, mais je n'ai pas voulu vous contredire. Ouais, c'est ton genre de te retenir, de la tempérance. Ouais, ouais, on t'a dit prudence, courage, justice, tempérance. Il me fait douter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis d'accord parce que maintenant je vous avoue, moi j'y connais rien sur les noms. Je me suis dit, Placido Domingo, ça fait pas du tout Rital. Non, mais effectivement, fin de saison, tout ça, je me suis dit, ferme-la. Voilà, c'est exactement ça. Et vous, vous avez chanté avec Roberto Alagna, alors. Oui, oui, oui, comme je vous disais, une chanson qui s'appelait « Quand on est deux amis ». Je crois qu'on l'a retrouvée. Ah, vous l'avez retrouvée ? Ah, génial. Écoutez. Super. Quand on est deux amis et que toujours unis sur le même chemin, on va main dans la main. On arrive à bon port et l'on est bien plus fort pour lutter contre les mauvais jours, comme dans les bons jours, l'amitié vaut bien mieux que l'amour. L'amour, c'est pas mal quand on est toujours d'accord, à la vie, à la mort, quand on est deux amis. Nous sommes nés dans le on même l'entend lui surtout. Ouais. Ouais. On l'entend lui, mais on l'entend un petit peu quand même. Ah ouais. Non, ça va, oh. Moi, j'ai chanté en trio avec Roberto Alagna et Elise et Moon. Ouais. Non, mais l'enregistrement était génial. Ah oui, mais quand même, c'est vrai qu'il chante bien. C'est vrai que là, il me défonce là. Bah. Moi, j'ai fait un porno avec Rocco Siffredi, mais on me voit très peu aussi. Et vous, Christine, on vous a tous chanté, nos références. Vous avez chanté en duo déjà avec... Avec la Calas, moi. Mais pourquoi on ne me croit pas? Et effectivement, si vous retrouvez un enregistrement de la Calas, je sais pas, vous avez le choix, puisque j'ai chanté plusieurs fois avec elle, et vous écouterez. Sauf que moi, c'est vrai. Mais moi aussi, c'est vrai. J'irais où inventer ça, moi? Et si vous écoutez bien la Calas, effectivement, vous ne m'entendez pas, parce que comme toi, elle m'a. Qu'est-ce que t'as dit? Elle m'a défoncé. Vocalement. La Calas en duo avec Christine, bravo. Qu'est-ce que t'as chanté avec la Calas? Viens, Poupoule. Eh ben... Elle a chanté en grec, elle parle couramment. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais vous êtes injuste parce que moi, je l'ai trouvé formidable dans la première partie de Céline Dion. Hein. Merci, Lolo. Et avec Janis Joplin, ça a fait un tube ou pas? Il n'y a qu'une chanson qu'elle chante très bien, Christine, et comme c'est un c'est peu... Rehab. À la fin de saison, je lui demanderai évidemment si elle peut me la fredonner. Si elle c'est vraiment une amie, elle le fera. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. On vient de renvoyer la bonne, pareil qu'elle volait des sous à maman. Elle a crié comme une folle, hurlé c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vue. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça me fait plaisir. Je sais pas ce que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Parfois j'ai drôle d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Et ben voilà! Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 14h, l'heure du crime sur RTL. Dis, et si tu m'emmenais en voyage, que pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appels et SMS illimités, plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. Et en vacances, soyez fidèles, vous avez tout à y gagner. Bah Daniel, je pars avec ma femme tout de même. Mais non, je vous parle d'être fidèle au magasin U. Ah. Où que vous partiez, il y en a un de magasin U. Pour continuer à faire le plein d'économies, même en vacances. Oui. Avec des remises immédiates dans plein de rayons. Oh, ça veut dire de l'argent direct dans la poche. Ça. Exactement. Et sinon, c'est quoi votre destination cet été? Oh bah destination, remise immédiate chez U. Ah oh, d'accord, d'accord. C'est jusqu'au 9 juillet sur une sélection de produits dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Waouh, elles sont top toutes les trois. Enfin Bruno, vous êtes mariés. Mais je parle du Top First Top. Jusqu'à 100 euros offerts sur l'entretien auto, c'est top. Jusqu'à 150 euros sur les pneus Bridgestone, c'est top. Plus 19 points de contrôle gratuit, c'est top. Cet été pour les offres top, rendez-vous chez First Top. Dans les 340 centres auto First Top, jusqu'à 100 euros offerts sur l'entretien auto, jusqu'à 150 euros sur les pneus Bridgestone, plus le contrôle sécurité gratuit. Centre auto First Top, les centres au top. Offre valable jusqu'au 30 juillet, conditions dans les centres auto-first stop participants. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage, voire conditions sur le site. Carrefour Market fête ses clients! Je me lève tôt pour être la première à votre fête! Il y a quoi de spécial aujourd'hui? Une offre gourmande, Michel. Market fête ses clients avec des prix choc à savourer d'urgence. Oh, vous me mettez en appétit! Jusqu'au 3 juillet, il y a 30% d'économie sur la carte de fidélité sur une sélection de produits de marque comme sur le pot de Nutella. Vive la fête de le petit-déj! Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Le pot de 1 kg, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, bougez plus. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier jusqu'à 18h avec les grosses têtes. Et cet après-midi, Elise Moon, Jean-Jacques Perroni, Caroline Diamant, Christine Bravo, Franz-Olivier Gisbert et Laurent Baffi. Une question pour Sébastien Favreau qui habite Saint-Pierre-de-Chignac, c'est en Dordogne. Et la question concerne une jeune femme que nous allons avoir au téléphone dans un instant. Elle s'appelle Marie Volta. Et Marie fait partie des gagnants ou des gagnantes d'un concours qui vient d'être réalisé. Concours d'ailleurs dont la présidente du jury était Zabou Bretman. Mais à quel genre de concours a participé et quel genre de concours a gagné Marie Volta? Pour un film pour les jeunes? Un film pour les jeunes, non. Ça a rapport avec le théâtre? Ça a rapport avec le cinéma. Le forcément. Cinéma, non. Théâtre, non. Est-ce que ça a un rapport avec une œuvre de charité? Non plus. Une maladie. Les études? Des études, non. La télévision? La télévision, non. C'est-à-dire la RATP qui a organisé ce concours. Ah, et pour choisir la nouvelle poème. Voix. Non, de poème ou de. Un concours? De poème. De poésie. Un concours de poésie. Voilà. Bonne réponse d'Elise Moon. Bonjour Marie Volta. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Vous faites partie des 13 lauréates de ce concours organisé par la RATP, ce qui veut dire qu'il y a 11 millions de voyageurs par jour qui sont susceptibles. Bon, tous ne vont pas forcément voir votre poème, parce que j'imagine qu'ils seront affichés dans différentes rames et sur différentes lignes. Toujours est-il que ces poèmes vont être affichés dans le métro. Oui. Le vôtre, c'était lequel? Vous le connaissez par cœur? Elle dit, apportant du mimosa, voici un petit bouquet de soleil. Il dit... Respirant le mimosa, même le soleil n'a pas ce parfum-là. Ah, c'est joli, dites donc. Voilà. Et ça s'arrête là, c'est quatre vers seulement. Ça s'arrête là, ce sont quatre vers, oui. Comme oui. Perroni. Et... Non, mais il m'en faut plus. Lui, il s'arrête pas là, oui. Et vous êtes contente d'avoir gagné, Marie Alexandre, bah oui, bien sûr, c'est une très jolie surprise. J'en ai un petit pour vous. Oui, le matin, je suis livide, quand le bus arrive, je valide. Mais non, mais c'est idiot ce que tu dis. Un poème, c'est pas sur la longueur, c'est pas l'alexandrin, c'est... Voilà, c'est juste, c'est un flash, oui. Il y a des... Jean Tardieu a fait des poèmes extraordinaires. Élie Semoun, vous écrivez des poèmes? Ah oui, j'ai publié un bouquin de poésie, ça s'appelait Plaisant Triste. Non, mais c'était plutôt des aphorismes. L'amour tarde et me montonnait. Ah oui, ça, c'est joli. Ah, oui, là, c'est bien. Ah, parmi les gagnants, il y en a un de ce genre. Il y a M. Morelière, il a 59 ans. Il a écrit « L'homme était animal » et puis « Coup de théâtre, le zoo de Vincennes ». Oh, c'est beau. Vous voyez ? C'est beau. Moi, voilà, c'est d'ailleurs lui qui a le tout premier prix. Ah oui, il a le premier prix. Le premier prix, le grand prix. Mais moi, je n'allais quand même pas envoyer un texte de 3 pages pour être affiché dans le métro. Les gens n'ont pas le temps. Oui, il faut faire des petits poèmes courts. Voilà, j'en ai une petite courte, comme sinon... ça, c'est « Tu viens, coco, et le coco vin ». C'est bien. Élie, un autre ? J'en ai une autre, mais c'est pas des jeux de mots, parce que je suis pas très fan des jeux de mots. J'avais écrit « Je n'apprécie la réalité qu'en rêve ». Je vous laisse réfléchir. Oui. On enlève les copies dans 3 heures. Là. Voilà. Moi, j'ai écrit un truc sur les animaux. Mais que c'est chiant d'être un poisson. Surtout si t'es un petit anchois, car sans remords et sans frissons, près de l'arrêt, le bar tabac. C'est la RATP qui a effectivement organisé ce concours de poésie. Vous avez donc rencontré Zabou Breitman, j'imagine. Oui. Et elle vous a remis votre prix de poétesse de l'année parmi quelques autres lauréats. Tout à fait charmante, oui, c'est de poétesse de l'année, c'est assez drôle quand on sait que j'écris depuis 30 ou 40 ans, mais bon, voilà. C'est, mais vous écrivez des poèmes ? Poétesse de l'année pour le métro, on va dire, et j'ai été musicienne du métro il y a une dizaine d'années, donc c'est un joli rebondissement. Et vous n'avez jamais essayé de vous faire vermifuger ? Ben non, mais elle fait des vers depuis 30 ans, mais... Ben c'est pas normal, faut consulter, hein. C'est vrai. Encore, si vous avez un mari pêcheur, ça peut être sympa. Ah, mais écoutez, elle est poète. Il n'y a pas que de la poésie ici aux Grosses Têtes. Ah hein. Non, on confirme. Oui, elle est poète, bonjour, dit-on. Voilà, je vous en donne un parmi les gagnants catégorie jeune. Manon Pouille de Santy. Vous l'avez rencontrée peut-être, elle a 14 ans, oui. Manon. Elle a écrit « J'ai vu le soleil sur ton âme se coucher, j'ai vu la nuit de tes armes s'emparer, j'ai vu le froid te promettre un feu doux, j'ai vu les couleurs disparaître de tes joues, alors j'ai pris tes mains pour leur redonner la douceur du matin et de l'été. » C'est joli quand même. Surtout avec la suite. Très beau. Ah, oui. Franchement, il y a des, il y a des belles choses. Guylaine Chambon, elle a 59 ans, elle a écrit « Au fait, j'ai oublié de te dire, les murs ruissellent de souvenirs, ils tournent en rond, rien ne t'efface, le fauteuil même cherche ta place. » C'est un hommage à DSK. C'est souvent des gens malheureux qui écrivent des poèmes. J'en ai un très joli, Laurent. On n'écrit pas sur le bonheur. Ah, hein. Ouais. Le petit orpailleur, vous pouvez le lire aussi, il est tellement beau. C'est un de 23 ans et vraiment pour moi c'était une des plus jolies choses que j'ai entendues ce soir-là. C'est l'histoire d'un petit orpailleur à la recherche des éclats divins. Il explore les courbes de son cœur, les filons dans son âme d'écrivain. Il transforme chaque minute en or, toujours avec une mine réjouie, et forge le présent à coups d'effort. Pour toute l'année, restez ébloui. Pailletez-vous aussi votre monde. Fondez votre joie comme l'artisan, et soyez ainsi à chaque seconde chercheur et poète de vers luisants. C'est pas mal pour un gamin, voilà. Quand même. Hein. On peut faire des jeux de mots avec les vers qui tiennent. Et ce sera affiché où dans le métro alors ? Alors c'est affiché dans les rames du métro et dans les bus, mais c'est au fond des rames, hein, en haut. Grand prix du poésie RATP, on vous applaudit mademoiselle Marie Volta. Dans un instant, retour des Grosses Têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Waouh, elles sont top toutes les trois. Enfin Bruno, vous êtes marié. Mais je parle de Top First Top. Jusqu'à 100 euros offerts sur l'entretien auto, c'est top. Jusqu'à 150 euros sur les pneus Bridgestone, c'est top. Plus 19 points de contrôle gratuit, c'est top. Cet été pour les offres top, rendez-vous chez First Top. Dans les 340 centres auto First Top, jusqu'à 100 euros offerts sur l'entretien auto, jusqu'à 150 euros sur les pneus Bridgestone, plus le contrôle sécurité gratuit. Centre auto First Top, les centres au top. Offre valable jusqu'au 30 juillet, conditions dans les centres auto First Top participants. J'en ai marre de notre salle de bain. Et la cuisine ! Si on changeait tout ? Ouais, sauf qu'on n'a pas encore gagné au loto. Pas besoin, regarde ce que j'ai trouvé. Peinture rénovation de V33. Élu produit de l'année 2016. Sans sous-couche et sans décapage. Alors, prêt pour changer de décor en un coup de pinceau avec V33 ? Si la gamme de peinture rénovation V33 est élue produit de l'année 2016, c'est qu'elle l'a bien mérité. Si le canapé, je le mettais plutôt ici, et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà ! Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. Condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Dis, et si tu m'emmenais en voyage? Oh là, Que pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appels et SMS illimités, plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. La Bourse en direct sur RTL en partenariat avec les Échos et Investir. Sylvie Aubert, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors les marchés rebondissent. Et oui, et vous aviez une bonne idée, vous vouliez que je fasse un petit verre moi aussi. Alors la Bourse de Paris était massacrée, la voilà aujourd'hui revigorée. Enfin, c'est pas petit, hein, c'est pas terrible. Mais enfin, c'est juste pour vous dire que le CAC 40 a quand même rebondi de 2,6% à 4090. C'est un peu moins bien qu'il y a encore une heure où l'indice progressait de 3,5%, mais c'est déjà ça. Le marché parisien qui a plongé de près de 11% en deux séances depuis l'annonce du Brexit remonte donc un petit peu la pente grâce aux achats à bon compte. Alors, dans notre jargon de boursier, ça signifie tout simplement que certains investisseurs considèrent que la sortie de la Grande-Bretagne dans l'Union est désormais intégré dans certains cours et que la baisse représente une opportunité de se placer sur les valeurs les plus massacrées. En plus, les investisseurs espèrent une action concertée des banquiers centraux alors que les politiques se réunissent à Bruxelles pour deux jours afin d'essayer de s'accorder sur les décisions à prendre. Pas facile. Le calme est également un peu revenu sur le marché des changes et celui du pétrole. Quant aux emprunts d'État, eh bien eux, ils se tendent à nouveau, ce qui est plutôt rassurant. Alors du côté des valeurs, je vous en parlais, ce sont celles qui étaient le plus massacrées qui rebondissent. Les financières retrouvent quelques couleurs, mais c'est pas spectaculaire. Société Générale regagne à peine 3% alors qu'elle vient d'en perdre près de 30%. De même, Groupe Eurotunnel regagne seulement 8% et Peugeot 5%. On se retrouve demain, Isabelle. Avec bonne grand soirée. Plaisir. Bonne soirée. À demain, Sylvie. RTL, première radio de France. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grossettes et des citations. Une citation pour Monsieur Basile Poignant, qui habite Sentheim, c'est dans le Haut-Rhin, qui a dit « Je suis deux régimes en même temps, parce qu'avec un seul, je n'avais pas assez à manger. » C'est Francis moi. Francis Blanc. C'est Caroline. C'est... Non. Woody Allen. Non. C'est un, vivant. Un gros notoire. C'est quelqu'un qui vit encore. C'est une nana. Et tant mieux, on est content pour elle d'ailleurs. Ah voilà, c'est une américaine. Ce n'est pas une américaine. Marianne James. Ce n'est pas Marianne James. Laurence Boccolini. Ce n'est pas Laurence Boccolini. Non, mais non, arrêtez, c'est pas forcément Dorin. Une grosse. C'est pas quelqu'un. Mais oui, qui est connu pour être grosse. Mais c'est comme, pas une française. Comme vous dites, c'est une française. C'est quelqu'un, en revanche, qui a toujours fait attention à Josiane Balasco. Non, pas Josiane Balasco. Elle a toujours fait attention à quoi, Laurent? Elle est plutôt gaulée, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Une actrice. Une actrice. Elle a joué au cinéma un peu, très peu. Est-ce qu'elle est vraiment connue pour avoir beaucoup d'humour? Ah bah oui, c'est une humoriste, oui. Ah, elle est humoriste carrément? Oui, oui. Florence oui, Foresti? Oui, Florence Foresti, non. Marianne Sergent. Marianne Sergent, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle est plutôt gaulée, Marianne Sergent. Elle fait beaucoup de sport, elle fait attention à elle. C'est ce qu'on appelle une fille gaulée, Christine, voilà. Bravo. Non, mais... Je voulais avoir votre définition d'une fille gaulée. Bah, une fille gaulée, c'est pas vous. C'est oui, le contraire. Voilà. Mais j'aurais pu l'écrire avant qu'il allait dire ça. C'est à ma, bah ouais, mais moi j'ai pas posé la question. Il y a un instinct de préservation à un moment donné. Ouais, c'est ça. Une question encore, une autre citation pour Lionel Martin. Lionel Martin habitait Écquelas dans le Tarn, qui a dit « Un jeune marié est quelqu'un qui dit à sa femme qu'on vient de l'augmenter. » Attendez vieux, que ça. Je comprenne. La biche? La biche, non. C'est mort depuis longtemps? Oh, c'est mort depuis un petit moment. Mais dramaturge? Mais c'est pas si vieux. Dramaturge, oui. Fédot? Fédot, non, après. Courteline? Ça pourrait être du Fédot. Marcel Achard? Marcel Achard. André Roussin? André Roussin? Encore après, il serait content. Encore après? Poiré? Jean Poiré. Poiré. Bonne réponse d'Élie Semoun. Il est tellement peu habitué, en fait. Et oui, je regardais de l'autre côté. J'en ai encore une de citation pour Sébastien Richard, qui habite la Bruffière, qui a dit « Prenez un cercle, caressez-le. » Il deviendra vicieux. Et oui. Non, il deviendra vertueux. Francis Blanche. Ah non, vicieux. Il deviendra vicieux. Ce n'est pas Francis Blanche. Ionesco. Ionesco, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous pouvez répéter la question ? Mais bien sûr, je peux répéter la citation. C'est Eugène Ionesco qui a dit « Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. » C'est génial. J'ai plus compliqué, alors, puisqu'il nous reste un peu de temps pour une dernière citation. La seule certitude, c'est que rien n'est certain. Et ce sera pour M. Guy Germain, qui habite Donnery dans le Loiret. Jean-Paul Sartre ? Jean-Paul Sartre, non. Pascal, est-ce que c'est Pascal, non. S'agit-il d'un philosophe ? Alain ? On peut dire effectivement qu'il fut philosophe. Alain, non, c'est plus ancien. Montaigne. Montaigne. Ah, c'est, est-ce qu'il est français ? Ah, il n'est pas français, c'est plus ancien. Chinois. Pétrarque. Spinoza. Pétrarque, non. Non, mais c'est Confucius. Confucius, Bouddha. Non. Avant Jésus-Christ. Né en 23 après Jésus-Christ. Sans blague. Où ? Comment Socrate, ça, c'est Socrate. En Grèce dans le nord de l'Italie. Pline le Jeune. Pline le Jeune, non. Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, bonne réponse de Laurent Buffy. Pline le Jeune n'étant pas le fils, mais le neveu. J'ai quand même des citations difficiles, et vous trouvez quand même les auteurs. Ouais, on est fort. Ah, vous êtes fort. Ah bah oui. J'entends une dernière pour Monsieur Fraisse, qui habite Cérezin-du-Rhône. Elle dit on est fort, c'est la seule qui trouve rien. Ah ouais. Et c'est pour ça que je le dis. Qui a dit « La nuit au bois de Boulogne, quand on donne un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. » Popek. Popek. Bonne réponse. Personne n'a le droit de dire Popek à ma place. Oh, écoutez, vous êtes trop fort. Non, mais c'est quand même bien de passer de Pline l'Ancien à Popek. Alors, encore une autre citation très connue, mais est-ce que vous en connaissez l'auteur ? J'aime bien de temps en temps rappeler des citations que tout le monde connaît, dont on a entendu parler, mais on ne sait pas forcément qui l'a dit. Et cette citation, ce sera pour Philippe Varéchon, qui habite Commercy dans la Meuse, qui a dit « J'ai réalisé mon bonheur au bruit qu'il a fait en claquant la porte. » C'est un poète ? Alors, poète, oui. Mort. Français ? Français, mort. Il y a longtemps ? Oh, mort. Je ne vais pas vous donner l'année, ce serait trop facile. Jean Cocteau. Jean Cocteau, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Ma chérie, tu déménages ? Ben non, je prépare les affaires pour les vacances. Mais on va encore être chargés comme des bulles. Et les pneus vont jamais tenir. T'inquiète, tu vas chez Euromaster, ils font des super remises. Fonce mon cœur ! Eh oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant les expertissimes Euromaster, jusqu'à 80€ offerts pour l'achat de pneus Michelin. Euromaster ! Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 31 août. Devis, achat et conditions sur Euromaster.fr. Tes valises ? Mais on part qu'un week-end ! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping ! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles ! J'ai pas pu me retenir ! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. À pied, à vélo ou en voiture, tous les chemins mènent au camping. On s'est dit que comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. Camping 3. Je vous rappelle les basiques. Arrive ici, pas de drogue. No stupefiante. Franck Dubosc, Camping 3, une comédie de Fabien Otteniente. Alors, on n'attend pas Patrick ? Le 29 juin, au cinéma, avec RTL. Vous attendez d'avoir un problème de clim pour vous en occuper ? Eh bien, Agathe, non. Bah non, moi j'ai pris les devants, voilà. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Agathe est chez Noroto. Et éviter le coup de chaud, c'est facile avec Noroto. Le forfait entretien clim est à 49€. Et pour seulement 49€, vous êtes sûr de rouler au frais. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. RTL. Allez, suite des grosses têtes avec Laurent Ruquier et des indices. Cette fois-ci, attention. RTL. Devinez qui l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Bonjour. Bonjour, votre voix est déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous êtes prêts à tout entendre ? Absolument, absolument. C'est parti. Vous êtes une femme ? Non. Okay, votre voix n'est pas très bien déformée. Ça fait longtemps que vous êtes un homme ? Est-ce que vous êtes marié ? Non, mais attends, il n'a pas répondu. Donc bon, ça fait longtemps alors. Gisbert dit que la voix n'est pas bien déformée. Vous avez trouvé déjà j'ai l'impression. Montrez-moi alors sur un bout de papier. Vous avez un pseudonyme ? Non. Vous êtes très connu là quand vous êtes arrivé, il y avait une petite émeute autour ? Toujours. Vous êtes beau mec ? C'est ironique ou c'est vrai ? Je suis ressemble vanté un sexe symbole. François-Olivier Gisbert n'a plus le droit de parler, car effectivement, manifestement, dès la première intonation, vous avez deviné qui était l'invité mystère. Mais pas assez bien déformé. La voix n'est pas assez bien déformée, c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, Christine Bravo aussi a identifié notre invité mystère. Heureusement, Laurent Baffy propose Garou. Mais vous n'êtes pas Garou. Invité mystère. Merci, monsieur Baffy. Élie Semoun pense à Yvan Le Bolloc. C'est forcément. Il faut qu'Élie Semoun arrête le hashish. Vous avez déjà fait l'Olympia ? Oui. Jean-Jacques Perroni pense à Dark Vador. Ah. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez été avec quelqu'un de connu également ? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre de votre famille est également célèbre ? Oui, un peu. C'est vrai. Oui, j'avais pas pensé. Ah oui, c'est vrai. Oui. Un frère, on peut dire. Oui, mais là, c'est fini. Ah ben non. Il y a des frères célèbres, il n'y en a pas tant que ça, à part les frérots de la Vega, qui sont pas frères. Eh ben, je sais qui vous êtes. Ah bon ? Et à mon avis, vous n'êtes pas un homme facile. Et Caroline Diamant pense que vous êtes Eric Cantona. Laurent Baffy pense que vous êtes Igor Bogdanov. Non. Bah, un frère connu. Maintenant, il dit qu'il a fait l'Olympia, donc... Oui. Laurent Ruquier, est-ce qu'on peut avoir un premier indice ? Mais bien sûr. Moi, j'attendais que vous me demandiez. Ah bah, alors, c'est le moment. Allez. C'est la musique d'un film, Invité Mystère. Vous l'avez reconnu, le film ? Pas du tout. Pourtant, c'est un film dans lequel vous êtes et c'est le générique de ce film, musique de Vladimir Kosma. Invité Mystère, est-ce que vous êtes acteur ? Bah oui. Je suis acteur. Oui, mais est-ce que vous êtes également réalisateur ? Je suis aussi réalisateur. Est-ce que vous êtes également scénariste ? Oui. Donc, vous avez fait l'Olympia. Plusieurs fois, vous êtes acteur slash chanteur ou pas du tout ? Non, je ne suis pas acteur slash chanteur. Vous êtes comique. Il n'est pas chanteur du tout. Vous êtes comique. J'aime pas ce mot-là. Est-ce que vous avez commencé par des seuls en scène ? Non, on ne peut pas dire non. Bien sûr, vous avez commencé par des seuls en scène. Mais non, faut arrêter l'alcool. Non, mais on va dire, c'est ce qui vous a rendu célèbre. Oui. Voilà. Ça. Non, d'accord, mais enfin. Oui, vous avez fait partie d'une compagnie théâtrale au départ, oui. Merci, je connais votre CV par cœur. Oui. Par le bout de la cuillère, même, voyez. Mais. C'est un indice, le bout de la cuillère? Mais le grand. Non, que pour moi, l'indice. Pas pour vous, parce que vous connaissez rien, vous. Mais le grand public vous a connu d'abord seul en scène. Quand oui, absolument. Ah, il faut absolument. Le dire. Non, c'est vrai. Ah. Élie Semoun vous a identifié. Bravo, Élie. Ils sont trois maintenant à savoir qui vous êtes. Caroline Diamant, Jean-Jacques Perroni et Laurent Baffy cherchent encore. Je veux bien un deuxième indice, s'il vous plaît. Bien sûr, Caroline a la demande. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. Mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Je vous ai compté, hein. Il y a deux magnifiques dans le refrain de cette chanson, Invité Mystère. C'est un bon indice, non ? Ah oui. Oui, c'est un bon indice, mais vraiment, ils sont cinglés, les mecs qui font ça. Et Caroline Diamant pense à Jean-Paul Belmondo. À cause du magnifique et du frère de Jean-Paul. Exactement. Belmondo, Alain Belmondo. Bon, oui. Enfin, je suis très flatté. Alors, j'ai flatté notre invité mystère, c'est déjà une première étape. N'êtes pas Alain Delon non plus, tant qu'on est là-dedans. Mais vous n'avez pas des questions sur son physique à lui poser ? Ben, j'ose jamais. Est-ce que vous avez des cheveux ? Oui. Combien ? Recomptez. Est-ce que vous avez des cheveux noirs ? Un dernier indice pour mes trois grosses têtes qui sèchent. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Et voilà, grâce à ce clair de lune, Laurent Baffy a identifié notre invité mystère. Caroline Diamant continue à dire des conneries. Pef ! Pourquoi pef ? Allez savoir. Jean-Jacques Perroni, Caroline Diamant, vous restez sur le bord de l'autoroute. Oh, oui. Et les autres grosses têtes annoncent l'arrivée dans le studio de... Michel Boujna. Michel Boujna, évidemment. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Vous avez un bout de chou de moins de 2 ans? Alors avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tout le rayon bébé. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté. Vive les bébés sur intermarché.com. Or les premiers âges, offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oscaro.com vous propose un kit de vidange adapté à votre véhicule. C'est vraiment simple et très économique. Je me lance. Et actuellement, pour toute commande sur Oscaro.com, vous bénéficiez de 15% de remise sur votre contrôle technique chez Sécuritest et Autosécurité. Une offre 100% gagnante, voire conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Saviez-vous qu'il existe un moyen encore plus simple que la radio pour écouter votre radio préférée? Avec RTL.fr ou l'appli RTL sur votre smartphone, vous n'avez plus besoin de connaître notre fréquence. Vous captez RTL parfaitement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, partout en France et dans le monde. Vous continuez d'écouter RTL à Pékin par Internet, c'est bien ça? RTL bouge, vous aussi. Alors retrouvons-nous sur RTL.fr ou sur l'appli RTL de votre smartphone. RTL, première radio de France. À suivre sur RTL, toute l'info tout à l'heure à 18h avec RTL Soir, présenté par Marc-Olivier Fogiel. Ses invités à 18h20, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, et puis 18h35, Pierre Hermé, qui vient d'être sacré meilleur pâtissier du monde. Pour l'instant, en tout cas, nous retrouvons les grosses têtes, Laurent Ruquier et l'invité mystère. Michel Boujna était bien notre invité mystère. C'est le directeur du festival de Ramatuelle que nous accueillons ce soir, puisqu'il y aura encore un beau programme cette année à Ramatuelle. Ça va aussi bien de pièces de théâtre comme Le Porteur d'Histoire, qui a eu un énorme succès, la pièce d'Alexis Michalik, à des comédies musicales, je pense à Irma la Douce, des grands chanteurs ou grandes chanteuses même comme Barbara Hendricks, mais pourquoi pas aussi Christelle Chollet, des one-man shows, Stéphane Guillon. Je vais pas tout donner, François-Xavier de Maison aussi est au programme de Ramatuelle. Oui. Oui, oui, parce que y a une histoire d'amour entre Jean-Claude Brialy et François-Xavier de Maison. Jean-Claude l'a fait venir lors de la dernière programmation qu'il avait faite. Ce moment-là, pour François-Xavier de Maison, a été très important. Coluche n'était pas encore sorti, enfin, tout ça. Et le film, Coluche. Oui, bien sûr. Parce que sinon, les dates n'allaient pas. Hein. J'avais des plages, je me disais, ça va pas la tête. On te savait fatigué, mais pas à ce point. Hein. Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour vous rejoindre. C'est entre le 26 juillet et le 11 août, le festival de Ramatuelle. Le 26 juillet, d'ailleurs, Jean-François Ziguel improvisera sur les grands classiques. Et d'ailleurs, il y aura aussi une grande soirée classique le 28 juillet avec l'Orchestre Philharmonique de Nice. Je donne comme ça, au fur et à mesure, quelques soirées du festival. Mais c'est vrai que c'est très éclectique, c'est le principe même. Oui, absolument. C'est le spectacle, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Voilà. Faire que les gens qui vont aller voir, par exemple, Michel Bouquet... Dans A tort et à raison. ...peuvent aller voir aussi Thomas Dutronc, ou L'être ou pas avec Arditi et Russo, ou Stéphane Guillon. C'est-à-dire réussir à faire que les gens se mélangent un peu et à y voir des choses différentes. 15 soirées, on va dire 2 semaines, oui, de spectacles à Ramatuelle. Le festival a lieu du 26 juillet au 11 août. C'est toujours Jacqueline Franjoux qui est la présidente du festival. Absolument. Vous avez succédé, vous, à Jean-Claude Brialy et à Michel Boujna dans cet exercice difficile qu'est la programmation artistique. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller voir tous les spectacles pendant l'année. J'essaye autant que je peux. Cette année, ça a été très très compliqué parce que j'avais vraiment beaucoup de travail, moi, à faire. Mais il y a une grande vedette dans ce festival, c'est le théâtre lui-même, et oui, c'est le lieu qui est absolument incroyable. C'est en plein air, évidemment. Oui, c'est en plein air. Confirme, pour y avoir joué, c'est fantastique. Je connais pas un artiste qui est venu sur scène à Ramatuelle qui est pas sorti de là en me disant ce lieu est incroyable. Ouais. C'est rarissime. C'est vraiment rarissime. Moi, ça alors, fait... Il y a la tradition de jeter, on se reçoit des coussins à la fin du spectacle. Ah, à la fin, quand les gens ont aimé, non, pas pendant. Quand les gens sont contents. quand les gens sont contents, ils balancent des coussins sur les acteurs. Les coussins, c'est quand même mieux que des enclumes. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai vu, par exemple, je sais pas, pour prendre un exemple, Mathieu Chédid, qui est venu à Ramatuelle, il est sorti de ce concert, il avait des frissons partout, il me prenait dans ses bras, il me disait, c'est une des plus belles soirées de ma vie. Mais c'est en plein air. Oui. T'as pas expliqué les frissons. Mais non, mais c'est joli comme il en parle. On a limite envie d'essayer d'être chanteuse pour aller faire cette scène. Franz-Olivier Gisbert, bravo. Alors, dès la première phrase. Écoutez, c'est pas difficile. En fait, c'est l'accent. Il y a la voix et il y a l'accent. Il a pas d'accent, Boudna. Mais bien sûr, il a un accent. Il est islandais, tout le monde le sait. Oui. Il fait partie de ces gens. Je l'adore, le commentateur. Le commentateur islandais. Ben oui. Christine est la deuxième, d'ailleurs, à avoir identifié Michel Boujna. Bravo, Christine. C'est pas à la voix que je vous ai reconnu, c'est à l'intonation. Oui, l'accent. Donc, même étant déformée. Moi, j'ai pensé d'abord en Roger Hanin. Elle était bien déformée. Après, j'ai pensé Robert Castel, et finalement, je me suis dit, ah ben non, c'est Michel Boujna. C'est l'intonation. Laurent Baffy veut ajouter quelque chose. Oui, j'ai une jolie histoire avec Michel, qui aurait pu être beaucoup moins jolie. On aime bien tous les deux les histoires drôles, et quand on en a une bonne, on s'appelle, on se la raconte, parce que c'est quand même assez rare. Et un jour, je l'appelle et je raconte une histoire extrêmement drôle et il se marre et puis j'entends un bruit, j'entends un bip. Je dis, mais tu fais quoi ? Il fait, non, rien. Et en fait, il était à l'hôpital et il me l'avait pas dit, il écoutait mon histoire et moi, j'étais rouge de honte de le déranger dans un moment aussi délicat pour lui raconter des blagues. Mais c'était très bien. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était comme... très bien tombé. C'était votre opération sur les hémorroïdes, c'est ça, hein? C'est avant qu'il ne joue dans Le Seigneur des Anneaux. Non, c'était non. Juste une opération au cerveau, vous inquiétez pas. C'est pour me rajouter des pièces qui manquaient. Parce que j'ai été bercé trop près du mur, petit. Allez. J'ai une histoire drôle, en tout cas. Allez-y. Vous la voulez? Ah oui. Terminons par ça. Elle est très courte. C'est un couple, ils sont dans le lit le soir. J'en ai deux, en fait. on se disait aussi. Oui, mais j'adore ça. Et la femme, elle est dans le lit comme ça, et elle dit à son mari, tu m'as trompé? Depuis qu'on est ensemble, tu m'as trompé? Combien de fois tu m'as trompé? Tu m'as trompé? Grand silence. Tu m'as trompé? Super silence. Au bout de 5 minutes, elle lui fait, mais tu dors? Il fait, non, ferme ta gueule, je compte. Eh bien. Et l'autre? C'est toujours un couple, ils sont dans le lit, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. Du point de vue de l'activité sexuelle, c'est plutôt calme, vous voyez. Et l'homme qui est dans le lit avec sa femme, donc tout d'un coup, il glisse sa main sous les draps et puis il caresse la cheville de sa femme. J'ai peur. Et puis il remonte la main un peu le long du mollet, le genou. Elle commence à. Mais avoir... pas en avant si tu pouvais arriver à la chatte. Ça... Il remonte encore. Il caresse son ventre, ses hanches. Elle est complètement émoustillée. Tout d'un coup, il s'arrête. Et il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, j'ai trouvé la télécommande. Allez, Michel Boujna au festival de Ramatuelle du 26 juillet au 11 août avec un joli programme encore cette année. À demain 16h pour d'autres grosses têtes. RTL, première radio de France. Il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une, les Français ne veulent pas d'un Frexit. C'est ce qui ressort du premier sondage réalisé depuis la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union Européenne. D'après ce sondage TNS Offres One Point réalisé pour RTL, Le Figaro et LCI, si un référendum était organisé en France, le non l'emporterait. 45% des Français ne veulent pas sortir de l'Union Européenne, alors contre 33% seulement qui le souhaitent. Des Français qui se disent majoritairement déçus de la décision des Anglais qui doivent se sentir bien seuls ce soir à Bruxelles, où est réuni le premier sommet européen depuis le vote. Le 18h, Julien Cellier. RTL Soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Un sommet à 27+1. Effectivement, les Britanniques ne sont plus les bienvenus à Bruxelles. François Hollande indique la sortie à David Cameron, mais le Royaume-Uni joue la montre. C'est la tactique Big Ben, ou comment divorcer tout en gardant la maison, la voiture et surtout le droit de discuter avec ses voisins. À la une également, 11e journée de mobilisation contre la loi travail. Cortège plutôt calme mais très encadré à Paris, avec une trentaine d'interpellations en amont. Et à 18h20, premier invité d'RTL Soir, Jean-Claude Mailly, le leader de FO, à la veille donc de ce rendez-vous avec Manuel Valls et au moment où le texte est durci au Sénat. À suivre aussi la facture du siècle. Volkswagen va verser 15 milliards de dollars à ses clients américains. Et puis Paris se met au basque. Unai Emery est le nouvel entraîneur du PSG, c'est officiel. La bourse, le CAC 40 retrouve des couleurs. Trois jours après le Brexit, plus 2,61% à 4089 points. Les courses à Saint-Cloud, il fallait jouer l'As, le 3, le 9, le 13 et le 11. À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Les parents dénoncent une rupture de service public. Comme tous les ans, au mois de juin, collèges et lycées sont déjà quasiment déserts. Alors, quelles sont les obligations de l'éducation nationale? Puis direction les coulisses de l'actualité. Slip de bain moulant, Marcel, Patrick Chirac est de retour dans Camping 3. On va vous emmener en coulisses de la sortie du film Événement de l'été. 18h30, Alain Duhamel ce soir, les retombées de ce Brexit. 18h35, le Picasso de la pâtisserie, le Dior des desserts. Pierre Hermé vient d'être sacré meilleur pâtissier du monde. L'homme qui a réinventé le macaron nous mettra l'eau à la bouche tout à l'heure, donc 18h35. 18h50, le rire, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Un temps nuageux pour demain avec quelques averses même. Oui, pas de changement, avec même un petit peu de pluie sur les départements côtiers de la Manche, surtout demain après-midi. Beaucoup de nuages partout ailleurs et des averses qui vont se déclencher dans l'après-midi entre le sud-ouest, le massif central et le nord-est du pays, et le retour des orages entre le sud du massif central et la Franche-Comté. Toujours un temps bien ensoleillé près de la Méditerranée, avec des températures comprises entre 12 et 21 degrés demain matin et 17 à 32 dans l'après-midi. C'est toujours très contrasté, c'est toujours un petit peu frais sur la moitié nord. 17 à Brest, 23 à Paris, mais encore 32 à Montélimar. À tout à l'heure, Patricia. RTL Soir. Et par ici la sortie. Maintenant, faites vos valises. L'Europe presse des Britanniques, Julien. Trois jours après la victoire du Brexit, sommet capital à Bruxelles, les 27+1 sont réunis puisque le Royaume-Uni est encore accepté. Ce sera sans doute le dernier dîner de David Cameron avec ses partenaires et il n'est plus forcément le bienvenu. François Hollande lui demande d'enclencher au plus vite le processus de sortie. La première conclusion, c'est qu'il faut engager le plus vite possible la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est un jour historique. Mais en même temps, c'est aussi pour l'Europe l'histoire qui continue. Ah seulement voilà, c'est à David Cameron ou à son successeur qui sera nommé le 9 septembre d'appuyer sur le bouton rouge et donc d'acter le divorce. Et visiblement, le Premier ministre ne semble pas pressé. Ces pays sont nos voisins, nos amis, nos alliés et nos partenaires. J'espère sincèrement que nous maintiendrons des liens forts en termes de commerce, de coopération et de sécurité. Béatrice Adjadj, vous êtes à Bruxelles pour RTL. Avant de signer les papiers de séparation, les Britanniques jouent la montre, ils veulent des assurances sur leur avenir. Oui, et avec aplomb, David Cameron se présente comme si de rien n'était. Vous l'avez entendu, il s'agit juste désormais de nouer une nouvelle relation commerciale avec les Européens. Sauf que cette apparente bonne volonté cache des arrière-pensées inacceptables. David Cameron, tout comme Boris Johnson, défendent un objectif commun désormais, défendre le business britannique, préserver l'accès de la place financière de Londres au grand marché européen. En revanche, David Cameron ne parle plus du tout des citoyens européens, de leurs droits à travailler partout en Europe. Autrement dit, les produits pourront circuler librement entre Europe et Royaume-Uni, mais pas les citoyens européens. David Cameron considère qu'il a perdu ce référendum à cause de la trop forte immigration venue d'Europe, donc il n'en parle plus. En réponse, Angela Merkel affirme qu'il n'est pas question de choisir une Europe à la carte. On prend les avantages, on rejette les obligations. François Hollande est